Et juste un petit avertissement, chers auditeurs, il se pourrait que ce show-là sonne tout croche et vraiment déconstruit. C'est parce qu'on essaye une nouvelle méthode. Ça va être enregistré live sans aucune coupure et sans aucun mixage, sans aucune édition. Fait que, ben, bonne chance pour vos oreilles. C'est pas facile de faire ça comme du monde. Bonsoir tout le monde, bienvenue à l'épisode 14 de l'Horror Gamer Show. 6 au micro avec vous ce soir et une famille diminuée ce soir, disons-le. On est un peu en reconstruction. Steph Terreur avec nous, comme toujours. Comment ça va, Steph? Toujours aussi. Puis, question de nous chaperonner pour voir si on fait bien ça à Star maintenant que bon, l'Horror Gamer rendu 1.ca. Ben, Sébastien Houchard avec nous autres ce soir. Hey, salut les gars. Salut Seb. Je t'appelle-tu Seb? Ça. À date, ça va bien. Ben, c'est ça que j'allais dire. On t'appelle-tu Seb? On t'appelle-tu boss, coach, je sais pas? Ben, tu m'appelles monsieur. Ça va être... Ben, tu m'appelles mon loup, ça va être correct. Ça va être difficile, pareil, honnêtement. Je suis pas sûr que ça va être le fun à soir. Non, mais dans le fond, tu veux que je te chaperonne, mais finalement, c'est moi qui va tout scraper le show. Bon, ça sera pas la première fois que tu scrapes un show. Hey, messieurs, un petit tour de table comme ça que vous avez fait dans les deux dernières semaines, parce que disons-le, on est à jour, je veux dire, on est exactement à 2 semaines de délai de notre dernier show, ce qui veut dire on est d'un temps, ça faisait longtemps que ça n'était pas arrivé. Un petit tour, toi, Steph, qu'est-ce que t'as fait dans les deux dernières semaines? Côté horreur, là, parce que je veux côté pas que tu me racontes. Côté horreur, ouais, écoute, il y a des affaires, je veux pas que tu me comptes. Écoutez, un petit film, Scary or Die, pas mauvais. Pogner ça où, ça? C'était sur Netflix, je pense. Ouais, il était sur Netflix. J'étais surpris parce que c'était un imprimeur au club vidéo, honnêtement. J'ai failli le louer. Mais écoute, tu lis la description en arrière du boîtier, puis tu écoutes le film, puis tu dis, Chris, c'est pas le bon DVD qu'il y avait dedans. Là. Non, c'est spécial comme film. Là. C'est pas mauvais, mais. En tout cas, c'est ça. C'est pas mauvais, mais c'est tout. Mais c'est quoi? Sinon, c'est un slasher? Ouais, c'est ça. Ça raconte l'histoire de? C'est 5 mini-histoires. Oh, c'est un, okay. Une anthologie. Ouais, c'est un clin d'œil à beaucoup de films d'horreur. Tu sais, ça a du potentiel écœurant. Tabarnak, qui est mal exploité, là. Ça n'a pas de bon sens. Ouais. Sérieux, là, c'est mauvais, là. Ben, ce qu'ils disent en arrière du boîtier, ils parlent juste d'une mini-histoire. Ben, toi, quand tu parles de films, okay. T'en as 2 ou 3 au début. Là, c'est vraiment pas le bon film. Puis là, maintenant, hey, c'est mon histoire de clown, tu sais, Chris. Ouais, ben c'est parce que souvent des anthologies, il y a une espèce d'histoire qui englobe tout. Là. Je pense à la dernière que j'ai vue d'ailleurs, VHS, que t'as vu toi aussi. Ouais, ça, ben c'est ça. Le problème, c'est que le film finit, puis un clin d'œil à une des mini-histoires, mais pas celle qui est marquée sur le boîtier, puis avec la pochette, puis tout. Là, quand même, ça se tient pas. Ouais. Et bon. Non, sinon, le tracklist est sorti pour le The Lord of Salem. C'est mon ami John Five qui fait ça, écoute, mon grand fan. On a lâché ça, t'es late des nouvelles, on a lâché ça, je pense, à l'épisode 2. Ben non, c'est sorti hier, ça, c'est une primeur de hier. Ouais, mais on savait que c'était John Five qui l'avait fait. Ouais, mais écoute, là, les titres de Toon, puis avec les collaborations, le band qui joue à Toon, tout est sorti, là, c'est sur le site de robzombie.com. Bon, on va aller chercher ça. Tu voulais plus, je te dis ça. Ah! Oh. 10$, ça allait me coûter 10$. Excellent, ça. Toi, ça, par chez vous, qu'est-ce qui se passe? Écoute, en avant, je veux juste préciser qu'on s'en fout un peu, mais je suis obligé de te le demander parce que t'es rendu comme. T'es rendu comme le patron. Hey, Remake Edition, ça fait 3 mois qu'on l'a fait. Ça va prendre encore 3 mois avant qu'on la refasse. Oui. Ouais, mais là, écoute, faut attendre le Noël prochain si on veut parler du film qu'on a collé. On parle de Black Christmas. Oh, man, mauvais choix. Côté horreur, j'ai quand même été assez relax parce que, bon, il a fallu que j'écoute quand même pas mal de films pour mes autres trucs. Mais j'ai écouté le film The Divide. C'est quoi donc ça? C'est un film post-apocalyptique, mais post-apocalyptique, plutôt apocalyptique parce que c'est direct sur le moment. Du monde à New York, il y a des bombes nucléaires qui arrivent sur New York, puis ils s'enferment dans un bunker de survie. Puis bon, évidemment, faut survivre avec du monde que tu connais pas, fait que là, il y en a dans la gang qui commencent à devenir cinglés et ça devient assez le free for all. Pas mauvais pantoute. À un moment donné, ça devient peut-être un petit peu trop cinglé, élevé, mais les acteurs sont tellement solides que finalement, tu apprécies le film pareil, même si en bout de ligne, il n'y a rien qui t'a vraiment sauté. Se passe-tu sur du longtemps ou. Ben, c'est ça le problème, c'est qu'on le sait pas. T'es comme pas capable de savoir, ça fait-tu 2 mois, 3 mois, 6 mois qu'ils sont là. Tu sais, t'as quasiment l'impression que ça fait une semaine qu'ils sont là, mais il y en a qui sont déjà en train de s'habiller en femme puis de torturer du monde, là, tu sais, là. Puis quand tu parles de d'acteurs solides, t'as-tu des noms? Hey, je suis pas bon dans les noms, mais il y a entre autres un des gars qui jouait dans Heroes, celui-là qui a le nom bâtard, là. Qui jouait un des deux frères, là, super-héros. Il y a le gars, écoute, je suis pas bon dans les noms, l'autre qui jouait dans Terminator 1 qui faisait le père de John Connor. Là. Oh my god, tu vas chercher ça loin. Sac. Ouais, ok, on va dire. Ouais, c'est ça. C'est un bon film, les acteurs sont solides, mais l'histoire, à un moment donné, elle essaye de trop en jeter pour rien, puis elle a dû rester un petit peu juste dans le réaliste, là, tu sais, là. Maintenant, ça a bien beau virer fou, mais il y a toujours bien des Christie de limite. Bon. C'est ça le problème. Sinon, côté horreur, c'est pas mal ça qui s'est passé. Sinon, j'irai dans des affaires qui datent trop, fait qu'on va laisser faire. C'est bon, ça. Hey, j'ai oublié de nous présenter, parce qu'étant donné que ce soir, on a une équipe diminuée, je veux féliciter Kevin, d'ailleurs, qui est pas là. Comme ça. Ah ouais, Kevin, aussi, continue comme ça. Et puis, étant donné que Kevin ne pouvait pas être là avec nous ce soir, ni René, ben, on a décidé d'inviter quelqu'un d'autre, un ami du show, mais pas un habitué. Dan Vaillancourt est avec nous ce soir. Comment ça va, Dan? Bonsoir, tout le monde. Salut, Dan. Comment est-ce qu'il va? C'est ça. Non, je comprends. Tu sais, Mané, tu fais comme bon, mais gars. Ouais, ok. Comment t'as dit ça? Ah, si, je la reconnais. C'est mon Dan. En tout cas, puis toi, Dan, il se passe-tu des affaires intéressantes par chez vous? C'est ça. Non, je comprends. Tu sais, Mané, tu fais comme bon, mais gars. Ouais, ok. Mais en tout cas, content que tu sois avec nous autres, puis c'est ça. On espère que tu vas apprécier ton expérience dans notre show. C'est tout là, c'est tout présent, c'est bien amené. On aime ça, puis ça fonctionne. Ouais, merci. Ouais, en tout cas. 5 minutes qu'on a commencé, puis il est déjà dans les compliments, lui. Ouais, mais c'est le piton en astuce, là. Il est sympathique, Dan. moi, de mon bord, ma blonde, elle m'a fait un cadeau. Elle m'a acheté les 2 premiers tomes de la série Malphaz de Patrick Sénécal. Tabarnak, j'ai passé au travers de ça. Là, écoute, je suis pas quelqu'un qui lit très très vite, surtout des romans. Là, normalement, je suis le genre de gars qui prend son temps à côté. J'ai déjà passé au travers du premier en dedans de 3 jours, puis j'étais à moitié du deuxième, puis j'ai dévoré ça. J'ai vraiment trouvé ça bon. Moi, qui je connais pas ça pantoute, moi, ça. Mais c'est curieux parce que. Je suis pas un de ces fans inconditionnels de Patrick Sénécal. Il a écrit beaucoup de choses que j'ai adorées, d'autres choses qui m'ont laissé complètement indifférent. Puis ça, c'était comme clair que c'était quelque chose de pas nécessairement plus léger, mais c'est vraiment une branche différente de son écriture. Puis c'est quelque chose de très, très, très unique. Moi, j'avais jamais lu quelque chose comme ça. C'est sans être complètement léger, c'est dur à expliquer, mais c'est ça. Ça se passe dans un cégep avec vraiment weird, dans le fin fond d'un hostie de trou, ce qui a des affaires autant paranormales que de paranoïaques. C'est vraiment bon. Honnêtement, j'ai vraiment trippé là-dessus. C'est une bonne suggestion que je ferais à n'importe qui. Je replace, mais j'avais quand même un feeling. C'est pas plus littérature jeunesse un peu, ça? Ça donne l'impression. Au début, tu penses ça, parce que c'est ça, t'as l'introduction, ça se passe dans un cégep, les jeunes, puis tout. Mais c'est pas très, très long que, ben, comme un peu dans notre dernier show, ça parle de poudre puis de cul, fait que tu fais comme, non, finalement, ça... non, non, j'étais bien à l'aise dans ma lecture, disons. Ceci étant dit... C'était dans ton environnement. Ouais, peut-être pas tant que ça. Je sais que Dan... Ben, en tout cas, non, j'ai de l'horreur, là, excuse-moi. Je sais que Dan, il en a parlé récemment. Je pense qu'il avait commencé à aller là. Comment t'as trouvé ça, Dan? Esti, c'est bon en sacrement. Ouais, c'est ça, je pensais. Moi aussi, j'ai bien aimé ça. Fait que... On a du fun avec ces pitons-là, tout à l'heure. C'est tout là, c'est tout présent, c'est bien amené, on aime ça. Ça fonctionne. C'est mot pour mot ce que je voulais dire. Non, à part de ça, moi j'ai eu le temps de gamer ces derniers temps, ce qui arrive pas souvent. J'ai passé au travail, j'avais de la visite en fin de semaine passée, un de mes chums gamers qui est venu chez nous. Puis, j'ai été faire un petit tour au GameStop, pas loin de chez nous, juste pour ramasser de quoi pour passer l'après-midi. Puis je me suis ramassé avec Warhammer Space Marines, qui est une espèce de Gears of War avec un petit peu moins d'ambition, mais quand même très, très, très plaisant. Tu sais, de la vraie baston, là, que ça saigne, que ça arrête plus, ça bûche, puis ça... En tout cas, j'ai vraiment trippé ce jeu-là. J'ai posé au travers, c'est sûr, peut-être en temps d'une dizaine d'heures. C'était vraiment pas très long, mais super intéressant. Ceux qui, comme moi, suivent l'histoire un peu, ben, ont déjà été fans de la série Warhammer 40 000. Ben, il y a une astuce de bonne histoire, puis c'est bon développement. À la fin, il y a une astuce de punch cool que, bon, c'est ça, pour ceux qui ont déjà suivi l'histoire, c'est vraiment bon. Sinon, ben, c'est ça, c'est un bon petit jeu de baston qui coûte plus rien à cette heure, puis... Bon, vraiment peine de ça. A-t-il été racheté, cette série-là? Parce que ça, c'est THQ qui avait ça. Ouais, je sais. Si ça a été racheté, c'est pour avoir des suites. Je sais pas, parce qu'écoute, en dehors de celle-là, il y avait la série Dawn of War qui marchait pas mal sur PC, mais tu sais, c'est quelque chose de quand même assez vieux. Là. Je sais pas si ça a été racheté. J'espère. Part de ça, je me suis ramassé avec une Wii U. Mais ouais, fait que là, ça fait une bonne semaine que je joue à Zombie U. Puis j'aurais bien aimé ça vous en parler à soir, mais étant donné que c'est foutrement difficile, c'est... Dur comme de l'hostie de porn gay illégal grec! Dur! C'est vraiment dur, cet hostie de jeu-là, ce qui fait que je suis pas rendu loin, fait que j'ai bien de la misère, puis que je vais vous en parler probablement la semaine prochaine. Ah, il est bon, hein? Un autre petit chat. Tu comme blasti de porn gay illégal grec, tu. Merci. Non mais. Ah ouais, fait que c'est si dur que ça, t'as même pas encore passé à travers. Ben c'est, hey, le principe du jeu, il est fait un peu comme Dark Souls, c'est la même chose dans le sens que quand tu meurs, puis là faut que tu retournes chercher. T'sais, des fois, t'as un esti de route à faire pour que tu retournes chercher ton cadavre qui est rendu un zombie. Faut que t'ailles ramasser son pack-sac si tu as des items. Parce que, bon, rien que des munitions là-dedans, c'est rare comme de la marde de pape. C'est vraiment. Et surtout qu'à Hapster, on a plus de pape, fait que c'est mort en crisse. C'est tellement mort, là. Tu viens-tu te faire un gag sur le pape, là, toi, là? Ouais, c'est pas pire, hein? J'ai du fun avec mes pitons, c'est complètement débile. Fait que c'est ça, j'ai du fun. Ah oui, j'ai découvert un jeu aussi. Il faudrait ça, que je vous en parle, ça n'a rien à voir avec l'horreur. 3D.GameHeroes. Avez-vous vu ça passer? Ah ouais, c'est un genre de Zelda. Man, ça m'est passé sous mon radar, j'avais jamais entendu parler de ça. Jamais. Je suis tombé là-dessus, je fais ça a donc bien de l'air cool. C'est malade. C'est vraiment bon. C'est quoi ça? C'est sur PS3. Je pense que c'est une exclusivité PS3. Ah, ouais. C'est vraiment... C'est une copie de Zelda. Tu sais, il y a rien... C'est très, très, très affirmé, là. Mais okay. C'est ça. Puis la marre de pogner dans cette espèce de royaume-là, quand le roi, il a fait comme « Fuck, c'est plate, le 2D, on vire ça au 3D. » Fait que tout le monde est comme en pixelisé. C'est vraiment cool. Mais le gameplay, c'est vraiment un classique. Vraiment un refait de Zelda. Là, Link to the Past, là, celui du Super NES. Exactement. La même mode affaire. Puis il est vraiment bon. Il est le fun. Puis tu sais, écoute, tu bûches dans du monde, il y a des pixels qui revolent partout. C'est trippant, là. Graphiquement, c'est un des jeux les plus beaux que j'ai joué. Comment? Même la musique, elle est très Zelda. Là. Très, très, très. Ben, c'est copié à 100 000 à l'heure. Mais tu sais, c'est affirmé. Là. C'est un bel hommage. Puis c'est vraiment cool à jouer. Fait que c'est ça. C'est pas mal tout. Qu'est-ce qui... Écoute, j'ai-tu fait d'autres choses? J'ai eu du temps libre ces temps-là. C'était même pas drôle. Tu continues Walking Dead? La série... Laquelle? Ah oh, ouais, la TV. La TV, ben j'ai... Non, ben j'ai... Elle a recommencé, c'est quand? La semaine passée? Non, en fin de couple de semaines. Ah ouais? En tout cas, non, je ne l'ai pas recommencé. J'avais vu l'épisode 9 qui finissait sur un foutu cliffhanger de malade. Mm-hmm. Mais je n'ai pas recommencé. Donc j'ai bien hâte. C'est parce que je te demandais lequel. Parce que curieusement, cette semaine, j'ai reçu le quatrième trade. Fait que c'est pour ça que j'étais comme mêlé. Puis je l'ai pas commencé encore. OK. Fait que c'est un. Mais peu non, les nouveaux épisodes sont encore solides. Oh, j'en doute même pas. C'est certain que je vais me taper ça prochainement. Hey, on passe tout aux nouvelles vite. Yes. Ben allons-y. Là, c'est spécial, hein, parce que je passe mes jingles, puis vous les entendez. D'habitude, je fais ça en post-prod, puis personne ne comprend ce qui se passe. Vraiment cool. Seb, qu'est-ce que t'as comme nouvelle pour nous? Hey, j'en ai pas beaucoup, mais j'en ai une très cool. Bon, tout le monde sait que le nouveau remake de Evil Dead sort bientôt, mois d'avril. Oui, j'ai pas la date exacte. Puis on a hâte en tabarnak. On a hâte en simonac. Moi, là, quand on parle de ce film-là, là, je deviens... Dur comme de l'hostie de porn gay illégal grec. Dur! Là, juste de même, t'as fait le tour de tes trucs, hein? Non, il en reste un ou deux. c'est ça. Un moment donné, je vais me tanner, pareil. Dans un mois, on a le remake de Evil Dead qui semble, somme toute, assez solide. Merci. Et je te laisse pas repasser ton extrait. Puis, en entrevue dernièrement, Sam Raimi a annoncé que cet été, avec un de ses frères, il s'en irait écrire le quatrième Evil Dead. Moi, je serais à l'aise. Donc, avec on aurait à la fois un reboot, remake du premier Evil Dead et un quatrième Evil Dead. Il y a évidemment bien du monde qui vont chialer là-dessus. Moi, je suis comme à l'aise avec ça. Le fait que ce soit Sam Raimi qui le fasse, on dirait que ça me dérange pas. C'est-tu moi ou ben... Moi non plus. Tu sais, je veux dire, récemment, Sam Raimi, écoute, quand il est dans le monde de l'horreur, là, on s'entend, là, il torche, ouais. Là, ce gars-là. Moi, je sais pas. Oui, voyons, c'est ça. Voyons, c'était quoi le dernier qu'il a fait, là? Tu parles de Drag Me to Hell? Drag Me to Hell, c'était... j'ai eu beaucoup de plaisir avec ce film-là, moi. C'était tellement bon, ça. C'était plaisant à fond. Non, ce que je me demande, c'est, en faisant un quatrième Evil Dead, est-ce qu'il va continuer dans le côté plus absurde à la Army of Darkness ou il va retomber aux sources plus Evil Dead 1? Je sais pas. Faudrait demander à Dan de voir qu'est-ce qu'il en pense. C'est ça. Non, je comprends. À un moment donné, tu fais comme bon, mais gars. Ben, écoute, c'est clair. Et voilà. On passe à une autre nouvelle. Steph, qu'est-ce que t'as comme nouvelle? Écoute, deux grosses sorties d'albums. 15 mars, Six Feet Under, oh, ceux qui connaissent. Oui, ben oui, mes indigènes préférés. Ben oui, Unborn. Fait que 15 mars, à retenir. Puis, les vieux de la vieille, Atrocity, reviennent avec le CD Occult, le 26 avril. Fait que c'est deux grosses sorties d'albums. Le reste, ben, je garde ça pour les prochains shows. Oui, mais est-ce qu'ils vont vraiment réussir à éclipser le succès que Annick Jean a eu? Ça va être difficile. C'est quand même la blonde de Patrick Huard. Ouais, c'est ça, tu sais, c'est ça. Ça là. Joue, tu sais. Non, mais tu sais, en plus, ça se la joue hardcore. Patrick Huard, Chris Barnes ensemble. Pas bon ménage, d'après moi. Hey, man, je pense que je vais continuer avec mes samples de Dan Vayango, moi, si vous êtes pour parler de Danick Jean, là. Hey, tu voulais un contrôle de qualité. Ça, c'était pour le gag. Aïe, aïe. Bon, ben, écoute, moi, j'en ai pas de nouvelles parce que vous me découragez bien raide. On passe-tu à nos chroniques tout de suite? Ah oui, donc. J'ai-tu un autre sample ou un autre jingle pour passer? Ah oui, écoutez bien ça. N'importe quoi. Ah, c'était épeurant, ça. Oh, Alice, Mortal Kombat, ça a joué hier, ça a été. Ben. Le premier? Le 2. C'était-tu le premier? C'était le 2. C'est le premier. Hey, on parlera pas de Mortal Kombat. Seb, pour vrai, t'es venu pour une vraie raison. Juste pas juste pour nous faire chier. C'est la merde. Ouais, ben je sais. D'ailleurs, tu, à la date, tu te débrouilles pas bien. Mais pour vrai, qu'est-ce que tu voudrais nous parler aujourd'hui? De toute façon, tout le monde le sait, on l'a callé au dernier show. Ouais, OK. Il y a de l'air. Hey, ça commence pas. Hey, non, merci. Hey, ben, je savais pas que c'était moi qui en parlais. Je pensais que c'était nous deux. Ah, ben, je vais t'aider. Je vais t'aider dans le sens que je l'ai lu, moi aussi. C'est ça, tu sais. Puis ça fait aussi longtemps, toi puis moi, qu'on l'a lu. c'était supposé d'être voilà un bout. Oui, je parle de la BD, Lock and Key. Oui, Welcome to Lovecraft, parce que bon, il y a plusieurs volumes, et moi, je n'ai lu que le premier volume. Je pense que toi, t'en as plus qu'un de lu. J'ai lu les deux premiers, j'ai reçu le troisième en même temps que mon Walking Dead cette semaine. Je l'ai pas lu encore. Oh yes. Mais ensuite, si on dit que je me suis acheté le premier, et ensuite le deuxième, et le troisième, et j'ai commandé le quatrième, ça veut tout de suite dire quelque chose. Il y en a combien, hein? J'ai pas... Je pense une dizaine certains. Ouais, hein? Donc c'est ça, Lock and Key, Welcome to Lovecraft, ça c'est le volume 1, écrit par Joe Hill, distribué par IDW. Joe Hill, moi ça me disait rien ce nom-là, jusqu'à ce que je check sa BD et que je fasse « Quoi? C'est le fils de Stephen King? » Eh oui. Il a bien fait de changer son nom, parce que on s'entend que la femme de Stephen King avait essayé d'être auteur, elle aussi, Tabitha King, puis ça avait bien marché, mais mettons qu'elle souffrait souvent de la comparaison de... Ouais, mais lui, c'est ça. Ce qui est arrivé, c'est qu'il a fait son succès avant que le monde sache que c'était le fils de... Exactement. Parce que je sais pas, il a écrit le roman, je pense que c'est Horn, le premier qu'il a écrit, qui a vraiment été un franc succès. D'ailleurs, si vous cherchez quoi de vraiment fucking bon à lire, qui est assez récent, là, Horn de Joe Hill, là, ça troue le cul, comme on dit. Ah ouais? Ah, c'est solide, solide. C'est quoi? Parce que je suis curieux. Mettons, paranormal slash slasher, mettons. Ok, cool. On reste dans le paranormal quand même avec Lock and Key. Ça raconte l'histoire d'une famille. Ça raconte l'histoire, la prémisse est très simple. Une famille dont le père a été tué dans une... altercation. Au début, on comprend pas trop pourquoi. Il y a du monde qui arrive chez eux puis qui lui en veulent, clairement. Et c'est violent en tabarnak, disons-le. Très violent, oui. On s'entend tout de suite, là, c'est pas... Ça a bien beau être de la BD, c'est violent. Là. Quand il y a du sang puis il y a du monde qui se font tuer, ça ne cache rien. Ça cogne dur. À dégoûte. Oui. Non, mais ça cogne dur. Dur comme de l'hostie de porn gay illégal grec. Dur! Pourquoi, hein? Pourquoi je vais venir? Je vais revenir, certain. Est-ce qu'il a souffert, le père? Faut juste qu'on souffre plus qu'eux autres. Donc, oui, c'est ça, le père se fait tuer, et donc toute la famille se retrouve poignée à déménager dans la ville de Lovecraft. C'est ça, oui, c'est ça. Oui. Excuse-moi, ça fait tellement longtemps que je l'ai lu, là. J'ai vraiment l'air d'un gars qui sait pas son affaire. Mais il déménage dans la ville de Lovecraft, gros clin d'œil, pour aller rester dans la maison d'enfance de leur père. Et comme dans toute bonne histoire d'horreur, faut que la maison ce soit pas juste une maison, c'est une hostie de piole. Ah, c'est un fucking manoir. C'est un manoir, là, tu sais. Puis, évidemment. Tous les enfants de la famille, les deux frères et la sœur, prennent ça un peu difficile, on s'entend. Ils retournent dans la maison de leur père, puis il a quand même été tué. Puis ils vont découvrir que la maison est pas si normale que ça. On va rapidement se rendre compte que la maison a des pouvoirs spéciaux et est peut-être pas si inhabitée que ça. Entre autres, le plus jeune frère, excuse-moi, je pense que je vais garder ma page avec les noms des personnages proches parce que je vais m'haïr tantôt. C'est pas grave. On a le temps. On va l'appeler le jeune, au pire, c'est pas grave. Le petit Baud. Oui. Le petit se rend compte que lorsqu'il passe à travers une des portes de la maison, il meurt. Oui. Ben, il meurt. Et lui, il dit « je meurs ». Mais dans le fond, c'est qu'il fait comme un... Bon, on va appeler ça un voyage astral, carrément. Ouais, je pense que c'est la meilleure façon de l'expliquer, parce qu'il devient comme immatériel. Un esprit. Ouais. Il sort de son corps, puis il peut se promener partout ce qu'il veut. Puis c'est assez flyé tout de suite, tu sais. C'est quasiment 20 premières pages, tu sais, tu découvres ça, tu fais comme what the fuck, ok, lui, puis pour cet enfant-là, ça devient quelque chose d'assez normal de juste passer à travers la porte, puis tomber raide mort, puis son fantôme qui se sauve. Puis on va aussi découvrir qu'il y a un puits, puis dans le puits, il y a une voix qui parle au petit Baud et qui semble vouloir des faveurs de sa part. J'en dis pas plus de ce côté-là parce que c'est quand même une partie importante de l'intrigue. Et en parallèle à ça, on va suivre le personnage, le tueur, celui qui a tué le père, et lui est en prison. Mais pour une raison qu'on finit par apprendre rapidement, il va se faire aider par la même voix que dans le puits pour sortir de prison et venir terminer le travail, donc tuer le reste de la famille. Et ça, je sais pas si vous avez déjà lu ou vu le film It. Ben oui, Pennywise m'a fait hanter mes cauchemars pendant plusieurs années. Et tout ce côté-là de le tueur en prison qui se fait aider par une entité malveillante pour aller finir le travail, ça m'a fait penser au personnage méchant dans It dont j'oublie, Henry Bowers qui s'appelait dans oui, It. Oui, monsieur. Ouais, je suis même pas capable de me rappeler les noms des personnages de Lovecraft, mais je me rappelle de Henry Bowers d'un film que j'ai vu à distance. Il nous a marqué ce film-là. C'est ça. Puis c'est ça, on va suivre son parcours jusqu'à Lovecraft pour aller terminer le travail. Et ma foi, on s'emmerde pas dans cette BD-là. Ah non. Man, la BD est pleine de mystères. Puis étant donné qu'on sait que c'est un volume 1, on sait que la BD ne fait qu'ouvrir des portes puis des histoires secondaires qui ne seront pas complétées dans cette BD-là puis qui vont juste se développer plus loin. C'est génial. Comme tu l'as dit, c'est violent, c'est gras. Écoute, là, ça va de la violence autant physique que ben il y a des scènes sexuelles. Surtout avec le personnage du prisonnier qui essaie de se retrouver de s'en aller jusqu'à Lovecraft. Il fait une couple de trucs dégueulasses que tu fais comme « Ah, ouais. Shit! » C'est bien dégueu d'une BD voir ça. Bon, c'est peut-être pas aussi graphique, mais on remercie quand même l'auteur de ne pas avoir montré ce truc. Ouais. Puis il y a un bon suspense. Tout le long, on se demande « Christy, comment ça va finir? » Moi, je me suis pas emmerdé. Les dessins sont incroyables. L'artiste Gabriel Rodriguez, que je pense j'ai rien vu d'autre de ce qu'il a fait, dessine, là, c'est juste sans bon sens. Ça me fait triper. La seule chose que j'y reprocherais, c'est qu'il y a certains personnages que j'avais de la misère à distinguer. On avait parlé un peu, je pense, toi puis moi, Pierre, c'était la mère de la famille, puis mm-hmm. une des amies de la fille à l'école. Ouais. Je suis capable de faire la différence entre une ado et une femme qui a probablement 40 ans, tu sais. C'est encore là, c'est pas quelque chose qui est extrêmement. Tu sais, c'est parce qu'on est pointilleux, parce qu'on se donne la job de critiquer, mais c'est vraiment pas désagréable. Non, du tout. Puis même de là, les personnages sont vraiment beaux. Sûr qu'il y en a qui se demandent. On n'a pas fait des références à Stephen King, mais Lovecraft là-dedans. C'est ce que j'allais dire. Hein. Écoute, le premier volume s'appelle Welcome to Lovecraft. C'est pas juste un clin d'œil, c'est un hommage grandiose à l'œuvre Lovecraftienne. Ça pourrait pas être plus. Plus direct que ça. La voix dans le puits, la porte, le manoir, les clés, tout, c'est vraiment ça. Là. L'héritage de familial qui cache des secrets, tout ça. Puis j'ai hâte de lire les prochains parce que je me demande jusqu'à quel point l'influence Lovecraftienne va être encore là. Ça va juste en s'améliorant. Ça, ce que je peux te dire, écoute, je suis pas un expert encore. J'ai lu juste le deuxième de plus que toi, finalement. Mais c'est que quand tu crois, puis ça, c'est une affaire que j'adore de cette BD-là, c'est que quand tu crois que, voyons donc, ils ont pas été jusque-là, ben t'as rien vu encore. Ils te défoncent tout. C'est une porte ouverte à l'imagination délabrée de ces gars-là. C'est des choses qu'on... C'est rafraîchissant parce que c'est des choses qu'on n'a pas vues depuis, soit qu'on n'a pas vues depuis longtemps, qu'on n'a complètement jamais vues. C'est vraiment original. Ben, il faut dire, la BD s'appelle Lock and Key. Et on comprend vite que la maison, oui, j'ai parlé de la porte qui fait en sorte que tu fais un voyage astral quand tu passes au travers, mais il y a plein de portes et de clés qui ont des pouvoirs. Et la première BD ne fait que te donner un petit aperçu de quel autre pouvoir que la maison peut avoir. Il y a quelqu'un qui fait comme une énumération à un certain moment qui dit des portes vont pouvoir faire ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça. Puis là, tu lis ça puis tu te dis shit, il y a donc encore du stock, puis il n'y a aucune de ces portes-là ou presque qui sont exploitées dans le premier volume. Fait que tu te dis shit, j'ai pas fini d'en découvrir là-dessus. Et je dois faire une mention à la à la joke la plus freak de Toc Toc. Je sais pas si tu te rappelles. Non. Hier, le gars qui rêve de son père mort qui fait une joke de Knock Knock, Who's There? Ah oui, c'est quoi donc? Je m'en souviens plus. C'est, en tout cas, la joke est plus ou moins importante, mais c'est vraiment l'ambiance du Flo qui rêve à son père avec un trou dans la tête qui lui dit « Hey, knock, knock. Oui. » C'est juste « What? » Il fait « Hey, t'es supposé dire who's there? » C'est comme « Fuck, qu'est-ce que c'est ça? Je veux pas rêver à ça. » Moi, dans ma vie, là, c'est pas le genre d'image qui me fait qui me fait me sentir bien. Mais non, sérieusement, je conseille cette BD-là aveuglément. Oh, c'est, oui. C'est même pas là. Moi, on était supposé d'en parler il y a quelques temps quand j'étais allé justement chez vous, puis finalement c'est tombé à l'eau. Puis quand j'ai voulu en parler, je l'avais pas encore lu. Puis je l'ai lu le matin avant d'aller de m'en aller à Trois-Rivières. Et je me disais, au pire, regarde, je la lirai pas toute, là, c'est pas plus grave que ça, je pourrais en parler un peu. Et je n'ai pas été capable de mettre le livre à terre. Il a fallu que je la finisse, quitte à partir plus tard. C'était captivant du début à la fin. En plus, c'est une belle BD, le côté qualité de BD, couverture rigide, des pages, des belles pages. Je suis niaiseux là, d'aller jusque dans ce détail-là. Là. Non, mais non, moi, c'est important parce que moi, je trouve ça cool, justement, quand on collectionne, quand on ramasse ces volumes-là, je trouve ça cool que, justement, il y en a qui se donnent la peine de faire des beaux volumes. Quand tu regardes, mettons, les trades soft de DC, des New 52, c'est cheap, c'est let, c'est fait qu'en papier journal, tu trouves ça poche. Tandis que t'arrives avec ça, c'est des foutus beaux volumes, une bonne épaisseur, de qualité, un beau print. Non, je trouve ça, honnêtement, je trouve ça cool qu'il y en ait qui se donnent la peine, puis ils sont pas plus dispendieux que d'autres. Là. C'est ça que je voulais aller voir pendant qu'on se parlait, parce que je sais que la première BD, je l'ai pas payée si cher que ça, et sérieusement, à vous, et tu commences à sonner comme un ordinateur. Se mettre dans l'ambiance, là, puis voir si on aime ça. Hey boy. Oh, on est en train de te perdre, mon Seb. On va le perdre. C'est bon. Bon, ben, regarde. Allô? Ah, ben, Seb, on va te rappeler. Allô? Ah ouais. Tu sais, quand on fait du live, c'est le genre de choses qui peut arriver. Ça, ben, je raccroche de là, puis je vais te rappeler à l'instant. On va voir si ça marche. Hey, c'est le fun. Pareil, on fait du live, puis on essaye ça. Ah ouais? Oh ouais. Vas-y, mon Zed. Ça, c'est un bouchon de bière, ça? Ça, c'est un bouchon de bière, ça. T'as pas fait ça. Ah, c'est... Là, Sébastien, il se dit... Ça... Oh, t'es-tu hey, là? Hey, salut! Lève-là! Hey, les aléas du live. J'ai essayé de meubler, puis ça a pas marché. Puis Dan, il a pas fait de la job? Il aurait fallu que je mette des rires en canne. Oups! Non, donc ce que je disais, c'est que la BD, je pense que c'est une quinzaine de dollars là, à peine. Là, ouais, il me semble que c'est pour... 15-18. Ouais. Sérieusement, là, qu'on soit fan de BD ou pas, là, ça c'est le genre de BD que je vais dire à ma blonde, faut que tu lis ça. Tu sais, moi j'achète plein de BD, puis de temps en temps, je fais, OK, elle, tu vas la lire, tu vas l'aimer. Puis ça est dans la liste de ma blonde, faut qu'elle lise ça. C'est pour tout le monde. Que tu sois fan de BD ou pas, ça se lit aussi bien qu'un roman ou que tu écouterais un film. Sérieusement, c'est un Christy de beau coup de cœur. Définitivement. Moi, je suis d'accord à 100% avec tout ce que tu as raconté. Honnêtement, je suis tombé en amour avec cette BD-là à seconde. Je pense même, peux-tu me donner le mérite? Est-ce que c'est moi qui t'avais dit qu'il fallait absolument que tu lis ça? C'est moi qui t'a... moi qui t'a fait acheter? Je suis tombé dessus par hasard dans une bibliothèque et par la suite, je pense que j'ai posé la question sur Twitter. Et peut-être que c'est à ce moment-là que tu as dû me répondre. Anyway, je suis tombé en amour aussitôt. La première fois que je l'ai lu, c'est vraiment quelque chose de C'est probablement le meilleur comic que j'ai lu dans les dernières années. Quoique, comme j'ai dit, je suis pas un expert en comics, ça fait pas des années que j'en lis. Mais celui-là, je suis vraiment tombé en amour carré. Puis c'est ça. La même chose pour moi, une des meilleures recommandations que je peux pas faire. La seule chose qui m'a fatigué un peu, tantôt tu parlais du dessin l'art de Gabriel Rodriguez, il y a un petit quelque chose qui m'a fatigué. Mais en réalité, c'est pas vraiment un reproche non plus. C'est que c'est cartoon un peu. Quand on fait quelque chose d'ultra violent, tu sais, on a vu toutes sortes de graphismes, disons, dans le comic. Quand ouais. tu fais quelque chose d'aussi violent que ça et d'aussi graphique, avec du cartoon, c'est comme un gros risque que tu prends. Puis on dirait qu'au début, je l'ai mal assimilé. Au début, ça me fatiguait. Mais plus tard, pour pas raconter l'histoire, plus tard, quelqu'un qui s'est fait solidement péter la gueule dans le début du trade, vers la fin, il revient, puis tu vois qu'il a toute la face complètement démolie. Ça marchait, là. Là j'étais comme tout content. Mais au début, c'est la seule affaire. Là. Puis encore là, comme je disais, c'est juste parce que je suis pointilleux puis que je me donne la job oui. de critiquer parce que en aucun point, ça nuit à ça. Parce que je me dis qu'il faut trouver un point, disons, pas négatif, mais c'est pas parfait, mais c'est pas loin. Puis, tu sais, là, juste parce que on a trouvé d'un seul point négatif les dessins, juste pour ramener le fait que les dessins sont très hot, il y a des séquences dans la BD que tu vois le découpage et même juste l'enchaînement des cases, où est-ce que tu te dis, il y a eu une réflexion en arrière de ça. Et toujours, c'est oh oui. Il y a eu, tu sais, des plans fixes. Tu sais, là, on parle de manière cinématographique, là. Il y a des pages que le cadre ne changera jamais. Il va y avoir 10 cases, mais les 10 cases, ça ne changera pas. Les personnages ne bougeront presque pas. Mais tout ce que ça veut te montrer, c'est la mélancolie de ce moment-là. Tu sais. Et ça fonctionne à merveille. Ça, oui. Je pense que même Dan, il y avait quelque chose à dire là-dessus. C'est tout là, c'est tout présent, c'est bien amené. On aime ça, puis ça fonctionne. Voilà. T'as? Hey, regarde, je pense que Dan vient de clore le sujet. Et voilà. Bon, ben, fait que on résume, c'est à acheter. Néophyte, tu sais, là, quelqu'un qui nous écoute puis qui dit, moi, j'ai jamais lu de BD de ma vie, là, puis je vois pas par quoi que je commencerais, là. Il y aurait peut-être, Walking Dead, tu sais, c'est comme tout le monde connaît ça, là. Mais vous voulez commencer avec quelque chose d'un petit peu plus, moins connu, mais d'aussi efficace, mais plus efficace, je pense. Lock and Key, on ne se trompe pas. Puis pour un 15$, regarde, au pire, si on se trompe, on ne s'est pas ruiné. On lâche les boules et billes, puis... hey, commande, ouais. Il y a juste toi qui lâche les boules et billes. Oh, man. Steph, musique? Hein? Ouais. C'est la musique à soir? Ah, oh, OK. Ça, m'as-tu prévenu? Oh, gars. Tu sors rien qu'à ça, man. Fais-le donc comme du monde, juste ça. Bon. Alors, sérieux, je l'avais prévu. Je sais, les tonnes sont prêtes. J'ai pas le choix, faut que je paye sur Play. Alors, sérieux, écoute, le premier band, non, c'est pas je ris parce que je checkais la semaine passée, j'ai parlé du groupe The Acacia Strain, là, ouais. 2 semaines. Ouais. Puis je checkais les past members, puis tabarnak, tu sais, ça va mal pour le groupe. Puis à soir, j'ai checké mes 3 bands, puis j'ai dit, tabarnak, me semble, Acacia Strain sont pas si pires. Ils ont su contenir leurs membres, mais en tout cas, j'aime pas ça cette phrase-là. Non, mais. C'est un horror gamer show aussi. Oh, tout à fait. Ils ont su contenir leurs membres. Aïe, aïe. Ça vient tout seul. Non, ça vient tout seul. Oh, God. Non, bon. On continue la musique. Ouais, s'il vous plaît. Non, c'est ça. C'était November Doom. C'est un band qui roule depuis 89. C'est un vieux band. Écoute, ils ont à peu près comme 15 anciens membres. Présentement, ils sont 4. Ils ont 8 albums à ce jour. Donc, la tune que j'ai décidé de mettre, c'est sur l'album Into Night Requiem Infernal, sorti en 2009, puis c'est Empathy's Greed. Écœurant. On va aller écouter ça, puis on revient. Yes. Ben, c'était donc bien bon, ça. T'es cœur, hein? T'es violent, par exemple. Hey, j'ai-tu mentionné que c'était les tunes ce soir que le film m'a inspiré? Arrête, t'avais choisi les tunes avant de voir le film. Ben non, si, j'avais... hey, quoi, j'avais écouté des bouts, puis je mettais... Non, sérieusement, le refrain de la tune avec le film. Moi, je recall Dan Vaillancourt là-dessus, voir ce qu'il en pense. C'est ça. Non, je comprends. À un moment donné, tu fais comme, bon, mais gars... Oh, ok, yes. Ouais, finalement, c'est lui qui a raison. Il l'a dit. Non, mais comment astiner ces temps de paroles de sagesse? Hey, on est de retour et on va vous parler du film Mama. Quel nom à chier pour un film d'horreur, honnêtement. Bon, que dire sur Mama? C'est bien chialeux. Et as-tu déjà été pris le nom du film, là? Ouais. Ben, il y avait eu Mamia, mais c'est pas la même affaire, mais ça fait aussi peur. Non, mais ça me semble. C'est un déjà vu, ce nom-là, non? Moi, je veux juste tenir à noter que ça vient de me traiter de chialeux. Là, on va parler de film. J'ai hâte de savoir à la fin qui va chialer le plus. Elle vous dit ça juste. Ah, regarde, juste pour ça, je vais changer mon opinion. un tout petit peu de... Je m'en ai dit de professionnaliste. Non, c'est pas chaud pour ça, là, mais en tout cas. C'est tout là, c'est tout présent, c'est bien amené. On aime ça. Ça fonctionne. Merci Dan de m'encourager. Non, disons, Mama, film de 2013, 6.5 sur IMDb, qui est quand même curieusement assez haut. Réalisé par. Ouf. J'aime pas ça des noms de même. Andrzej Muschietti. Hein, qui est très très très connu pour. Parfait. Merci, c'est merci. C'est qui est très connu pour avoir fait. En réalité, il est connu rien que pour une chose, je crois. Je me fie pas à son IMDb. Parce que je sais qu'il y avait, en réalité, le film Mama, et ça se trouve être le remake d'un short qu'il avait fait. Un short de 3 minutes et demie, je pense, qui est facile à trouver sur YouTube, soit dit en passant. Qui est solide. Qui est très, très solide, en effet, disons-le. Normalement, on parle pas beaucoup de la production parce que ça compte jamais. Mais quand on a un nom solide comme Guillermo del Toro, il faut en parler. Surtout que. On sent l'influence du gars dans le film, ça n'a pas de foutu bon sens. Mettant en vedette Jessica Chastain, qu'on a vu dans un paquet d'affaires que ma blonde a sûrement vu plus souvent que moi dans ses films, disons-le. Un doute comme... un autre esti de nom. Nikolai Coster-Waldau. En tout cas, lui, on le connaît beaucoup plus comme étant Jaime Lannister dans Games of Thrones. D'ailleurs... En deux shows qu'on a des gars de Games of Thrones. C'est quelque chose. Reprocher. Bon, là. Allez-y. À part de ça, un paquet de nobody qu'on s'en fout un peu. Un budget estimé à 15 millions de dollars. Del Toro qu'on disait tantôt, là. Ben, c'est ça. Mm-hmm. Alors, rapidement, ça raconte l'histoire. Ben, le film commence comme ça, c'est qu'on voit un père et ses deux filles se sauver à toute jambe, à toute vitesse. Il a l'air de s'enfuir de quelque chose. On comprend pas trop quoi, on sait pas trop pourquoi, on sait pas trop comment. Il sauve comme un damné, se ramasse en plein milieu du bois. C'est un film canadien. On comprend avec un peu ce qui se passe en voix off. Ouais, mais... Ouais. J'essaie de pas rentrer dans ce qui pourrait éventuellement devenir un spoiler. Qu'est-ce que je m'en allais? Ah oui, c'est ça. Le film est canadien, hein? Fait que on dirait que, curieusement, le père se sauve avec les deux filles, se rentre dans le bois, trouve une cabane dans le bois, puis cette cabane-là, curieusement, on dirait que j'en ai construit des dizaines comme ça, j'ai des chalets comme ça, j'ai vu des camps de chasse pareil comme ça, on dirait que je filais comme dans le cours chez nous, je trouvais ça très cool. C'est ça. Le père se sauve avec ses deux petites filles dans cette espèce de cabane, ce camp-là. Il est comme une espèce de réfugié. On se rend compte tranquillement pas vite qu'ils ne sont pas les seuls là. Il arrive un gros quelque chose qu'on le voit vaguement, pas trop clair. On sait qu'il arrive quelque chose au père, quelque chose qui dit saute dans le dos solide. Et puis ça se finit comme ça. C'était notre introduction. Écoute, papa disparaît, deux petites filles laissées à eux-mêmes. Après ça, on a une espèce de 5 ans plus tard. On voit encore le même comédien, ça m'a mis un fuck solide, qu'on croit qu'il est mort. Ouais. Finalement. J'ai trouvé ça assez cheap, parce que, bon, oui, c'est le frère jumeau du papa des deux fillettes qu'on voit. Prendre le même comédien, c'est lame en sacrament, là. Ça, c'était moi, pas obligé d'être ton frère jumeau, là. C'est justement, moi, ça m'a mêlé aussi. Ah, j'ai trouvé ça poche, là. Mais c'est parce que, tu sais, il avait pas. Mais ça revient pas trop plus loin dans le film, fait que c'est correct. Oui, mais tu sais, je sais pas. J'ai trouvé que c'était pas nécessaire. C'est juste qu'ils ont pas fait la barbe, là, puis ils ont mis une tuque ça pour lui donner la lune cool. Tout ça pour dire que c'est ça, on se ramasse chez le bon, le frère de cet homme-là, qui est un espèce de jeune version de bon, disons hipster qui sort avec une basement de groupe metal. C'est assez drôle. Bon, c'est ça, ça se trouve être Lélé. On comprend que ça fait 5 ans que ses petites nièces, à ce cas-là, sont disparues. Sont retrouvées. Sont suivies par une espèce de thérapeute weirdo qui m'a fait foutrement penser au Dr. Loomis dans Halloween. Je sais pas si vous autres, ça vous a fait le même effet, là, mais je sais pas, le même look, la même attitude, la même espèce d'entêtement. Bon, on comprend que bon, les petites filles vont être adoptées par le monon, puis ils vont se mettre il va y avoir une espèce de réinsertion sociale qui va être faite à ces petites filles-là. Mais faut pas oublier qu'ils ont été laissés à eux-mêmes pendant 5 ans dans une cabane. La prémisse du film disait quelque chose comme avec qui étaient pendant ces 5 années-là? Qui les a élevés? Qu'est-ce qui s'est passé? On comprend que c'est quelque chose de pas cool parce que les petites filles sont foutrement sauvages, sont extrêmement agitées. Rien que dans leur façon de se déplacer, foutre la chienne. Ah, shit de merde. C'est terrible. La plus jeune des deux qui rampe comme une créature qui gémit et fait des sons vraiment épeurantes, elle se court en dessous des lettres. Non, elle est vraiment... Ouais, ben ce qui arrive, c'est comme tu dis, tu sais, quand ils ont été en bas, j'ai essayé d'évaluer un peu leurs âges. La plus vieille avait peut-être quoi, 3 ans? Oui, à peu près. 2 ans et demi, 3 ans. Je la plus jeune, elle a à peine 1 an, là, même pas. Là. Oh, et puis la plus jeune... La plus jeune passait 5 ans de même. Élevé par, on sait pas trop quoi, mais bon, le monde qui a vu le trailer savent déjà un peu à quoi s'attendre. Ben, disons qu'elle a été élevée par maman. Cette fille-là, elle a été élevée par... ça donne ce que ça donne. Là, mais tu vois aussi d'ailleurs que la plus jeune, c'est celle qui est la plus marquée des deux. Mm-hmm. Gravement. Tranquillement, pas vite, il y a une réinsertion qui se fait. Ils commencent à, bon, par une trick étrange de lunettes, bon, se reprennent contact. Bon. Il y a une espèce de... Puis ça, dites-moi si je suis dans le champ. J'ai trouvé que c'était une espèce de setup weird pour nous mettre... Comment je dirais ça? Ils ont pris les petites, la famille la plus improbable possible, qui n'était pas nécessairement à l'aise et bonne avec des enfants, puis ils leur ont mis ça entre les bras pour donner une espèce de touche au film. Tu sais, comme... Je sais pas, cute. C'est-tu le bon mot? Ouais, c'est un classique. Dans tous les films, c'est ça. C'est toujours ceux qui connaissent pas c'est quoi un enfant qui se ramasse avec des enfants. Ouais, mais tu sais, quand on dit ne pas connaître l'enfant, là, on s'entend, quand tu rencontres la fille la première fois, là, elle est en train de faire un test de grossesse qui est négatif. Puis elle est contente. Oh yes! Oh yes! Oh yes! Là, tu te dis, OK, j'ai compris, cette femme-là n'aime pas les enfants et n'en veut pas. Carrément. C'est voit... clair, là, t'sais. Honnêtement, tout le long du film, on voit qu'elle n'est pas à l'aise, elle n'est pas super bonne, puis c'en est comme cute. Mais je n'en veux pas des affaires cute dans mon film d'horreur. Fait que là, on arrive à la viande de la chose. C'est que, bon, évidemment, on se rend compte que, bon, par l'enquête du... Je vais l'appeler Dr. Loomis parce que je ne me rappelle pas de son nom, mais de l'espèce de psychiatre, on se rend compte que, bon, c'est ça, il s'est passé quelque chose dans cette cabane-là. Ils ont été élevés, il y a des choses qu'ils ont apprises, puis qui viennent... Ben, il parle de maman. Il parle de maman. C'est qui, maman? Ça vient de où? Une des choses que j'ai adoré, que j'ai vraiment apprécié de ce film-là, et c'est là que je disais tantôt qu'on sentait beaucoup, beaucoup l'influence de Del Toro, on a une créature, on a un visage à mettre sur ce que c'est Mama. On le voit, on a un background, c'est sûr, on découvre une histoire tranquillement, pas vite, de c'est qui, d'où ce que ça vient, pourquoi est-ce qu'elle est comme ça, mais on a un visage à mettre dessus, puis elle est pas cachée du tout, du tout. On a parlé dans le dernier show, des fois, que c'est-tu bon de trop en savoir, de pas trop en savoir, c'est-tu mieux quand ça reste mystérieux, mais là, il n'y avait pas grand-chose de caché. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais j'étais content parce que j'ai trouvé ça comme... Tu sais, enfin, une fois de temps en temps, je trouve ça cool. Je trouve ça cool qu'on la voie, je trouve ça cool qu'on ait une face à mettre dessus. Sauf que la face comme telle, mais... Mais avant le show, Sébastien, tu nous parlais de... Je sais pas pourquoi tu as fait une référence à un de nos Remake Edition. Non, tu as fait une référence à Antise. Ouais. Pourquoi donc? Moi, tu vois, j'écoutais Mama, Puis là, toi, tu te dis, ben, c'est drôle qu'on soit dans l'opinion complètement opposée parce que c'est assez rare que ça arrive. Moi, de trop en savoir sur maman, ça me l'a tellement démystifié qu'à chaque apparition qu'elle faisait, je faisais comme, non, moi. Tu sais, tous les moments freak des petites filles, moi, c'est en bout de ligne, là, dans ce film-là, ce qui m'a fait plus peur, c'est les petites filles et les ouais. agissements bizarres pendant la première moitié du film. Veux-tu qu'on C'était en parle des petites filles? Plus freak. Veux-tu qu'on en parle des petites filles? Sérieusement, quelle actrice formidable. Et que... La plus vieille, là. Ouais, ben, même les deux, là. Ben, la jeune, parce que la plus jeune fait... écœurante. C'est parce que la plus jeune fait moins un peu, mais honnêtement, les deux, je les ai trouvées tellement, tellement bonnes, tout simplement. Ils étaient vraiment extraordinaires. C'est... Puis j'écoutais, bon, c'est un pod... c'est... on en fait la publicité sur Fun Jouer Jeu, le podcast Horreur Web. Qui pas eux autres, pas nos grands compétiteurs. Ah, non. Écoute, c'est tellement des compétiteurs. Oh, oui. Mais, non, y a, c'est ça. Il n'y a pas de compétition. Je vais faire un gag. Il n'y a pas de compétition dans la communauté. OK, next. Non, ben, ce que je voulais dire, c'est qu'eux autres avaient amené la discussion, puis je trouvais ça intéressant, que de plus en plus, les enfants dans les films, il n'y en a plus. Ça existe-tu encore des mauvais enfants dans les films d'horreur, des mauvais enfants acteurs? Ça fait longtemps là, que tu sais, j'écoute des films d'horreur. Moi je suis d'accord avec ça. Fascine, là, tu sais, là. Mais je suis d'accord avec toi, sauf que je vais te reprendre en te rappelant le remake de The Omen. Moi, je l'avais trouvé bon, toi, tu me disais qu'il était mauvais. Ah oui, non, t'as raison. il était pas mauvais, il était mauvais par comparaison. Je te dirais. Ouais, c'est sûr que si tu compares à l'original, c'est ce que je voulais dire. Il crevait pas l'écran. Il était pas mauvais, mais c'était vraiment la comparaison qui me... Ouais, là, je te comprends. Mais c'est vrai, par exemple, c'est un bon point, parce que c'est vrai que les enfants, écoute, que ce soit Insidious, que ce soit ça... Que... Ah ben, un enfant, là, tu sais, c'est l'innocence même. Ça a pas de gêne, ça a pas de stress, ça a pas de... Ah, fuck you, man. Va écouter le premier The Omen, puis dis-moi que Damien, il a de l'air innocent. Je te jure, man, il me fait peur, cet enfant-là. C'est non, mais tu sais ce que je veux dire, c'est que tu leur demandes quelque chose, puis ils le font, puis ils se demandent pas pourquoi, puis ils sont pas stressés de le faire. Puis tu sais, la caméra, pour eux autres, c'est pas stressant, là. Ouais, mais c'est un jeu, là. Tu parles en tant qu'acteur, ouais, exactement. Ben c'est ouais. ça, eux autres, dans la game, c'est ça. Puis tu le sens là-dedans, tu sais. Ben tu ouais. sais qu'ils ont des petites filles, ils embarquent dans le jeu, et sont fascinantes à voir aller. Bon, c'est sûr que, tu sais, quand ils se déplacent un peu freak, des fois, je me disais, coudonc, c'est-tu effets spéciaux, gymnaste déguisé en enfant, je sais pas, là, tu sais. Mais, ah, c'est ce qui faisait peur. Ouais. J'ai pensé, moi, j'ai dit, Chris, c'est-tu fait par ordinateur, tu sais, la plus jeune, quand elle bouge? Voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Comment ils ont réussi à y faire ça, à elle, là? C'est curieux, mais ça a l'air d'un espèce de procédé de, ben, justement, juste de changement de vitesse de caméra, ce qui fait que, tu sais, probablement qu'elle a été shootée à moins de frames par seconde que tout le reste, puis qu'ils, tu sais, ils passent une par-dessus l'autre. Ça donne un drôle d'effet. Mais c'est efficace. Les scènes, il y a des scènes, disons, de cauchemar, si on peut dire, que la pseudo-mère basement de groupe punk rock fait. comment. Moi, personnellement, ça a été un point tellement fort de ce film-là. J'ai vu ça, je fais comme c'est fucking génial. C'est comme. C'était comme Sucker Punch pendant 2 minutes. Ben, je l'ai trouvé original de la manière que ça a été tourné. Ah, c'est tu malade, parles du fait que c'est en première personne. C'est en première personne. La caméra est en. First, l'image est traitée HDR, puis c'est en. Oui. Je cherche le. Vas-y, je vais moi, chercher mon mot pendant ce temps-là. Moi, tu vois, autant j'ai aimé la façon que c'est tourné, j'ai aimé toute cette scène-là, mais. Quand cette scène-là est arrivée, puis écoute, je veux pas sonner blasé ou quoi que ce soit à soir, mais j'étais un peu tanné du procédé dans certains films d'horreur, surtout des films de fantômes, où ce que le fantôme va donner une vision à quelqu'un, un rêve, va lui permettre de voir son histoire à travers un procédé comme ça, tu sais. Là, ouais. on raconte un peu l'histoire du fantôme à travers le rêve que la femme fait. Ben, je trouve que c'est un procédé qui est surutilisé. Je sais pas. C'est pour ça que je veux pas sonner blasé. Ouais. Parce que, tu sais, j'ai comme pas de solution, mais je me dis, Colin, il me semble que c'est souvent comme ça. Puis quand ça arrive, je me dis tout le temps, le fantôme, ça lui donne quoi de montrer son histoire à la femme? T'sais, tu le sens que c'est juste pour nous autres que c'est fait cette scène-là. Ouais, ben attends, là, ça, c'est pas tout à fait vrai. Si tu regardes la fin, je veux dire, en, ben ouais, en bout de ligne, c'est comme un hameçon, puis toute la patente. On sait que ça mène quelque part. Mais je comprends quand même ton point, puis je t'estime même pas. J'ai l'air d'être vendu à ce film-là, mais je suis totalement d'accord avec toi. Il y a quelqu'un, il y a un de mes chums qui l'avait vu avant que je l'écoute, puis il m'a dit, je vais te le résumer d'une façon que tu vas comprendre même avec l'heure. C'est aussi un fanatique de films d'horreur. Il m'a dit, c'est un film d'horreur grand public, maman. Il y a beaucoup de monde qui vont apprécier ça, mais c'est pas fait pour toi qui es un fanatique de films d'horreur. Puis là, je sais pas qu'est-ce qu'il voulait dire. Regarde, c'est exactement ça. C'est exactement ça que j'ai trouvé. C'est un film... Pas que je dirais que c'est pas un film qui est générique, parce qu'il y a des moments qui sont vraiment, vraiment épeurants, qui sont vraiment solides, puis que t'sais, l'ambiance est super bonne. Mais côté overall, côté histoire, c'est vraiment générique. Il y a beaucoup trop de... Quand que je disais tantôt, les petites histoires de famille à côté, une espèce d'ambiance de malaise, puis qu'on trouve ça quasiment... Ça vient tout de ça. C'est vrai que c'est l'impression que ça m'a donné. C'est un film d'horreur générique, comme sans dire pour toute la famille, là, mais c'est à grand public, justement. Puis tu sais, en connaissant un peu les procédés de films d'horreur, on voit énormément de choses venir à l'avance. Peut-être la finale qu'on voit pas venir, tu sais. Je veux dire, on sait pas comment que ça va se dénouer, tout ça. Mais tu sais, il y a des trucs qu'on fait comme, ça, c'est ça qui va se passer, tu sais. Exemple, la tante, tu en as pas parlé, mais il y a le rôle de la tante qui veut, elle, avoir la garde des enfants, qui fait tout pour pas avoir les enfants. Puis là, tu vois bien venir que... À un moment donné, elle va se faire avoir, tu sais. Ouais, ben c'est justement, ça rajoute à l'espèce de drama cute du film. Mm-hmm. C'est des affaires qui sont sans être superflues, je dirais que c'est pas vraiment. Ça brise un peu, là. Ça a plus l'air d'un, d'un téléroman. Puis je veux revenir, c'est parce que tantôt tu m'avais dit que ça me faisait penser à Antise, puis on n'a comme pas développé. C'est que moi, à Mama, tu sais, le personnage de Mama, on la décrira pas, mais elle est faite par ordinateur. Oui. 100% ordinateur. Et, tu sais, oui, la première fois que tu la vois, tu fais comme, oh fuck, c'est freak. Mais la troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième fois que tu la vois, tu es comme, bon, ben là. Oui. C'est tellement vrai. Zéro effet, oui, là. C'est tellement vrai, ça. Elle est freak. Elle était peurante au début. Juste dans la scène du corridor où on la voit ramper, qui est encore une fois un procédé surutilisé dans les films d'horreur, voir ramper une créature de façon foutrement étrange. Là, ça a été un peu piqué. Mettons que l'exorciste l'a popularisé, mais à cette heure, c'est rendu quasiment une marque de commerce. Ça, c'était fréquent à mort, puis tout. Et là, on s'est mis à la voir, à voir son visage, ils ont voulu lui donner une espèce d'air triste à cause de son histoire, de son background. C'est devenu. Elle est passée d'une créature foutrement épeurante à. Dégage. Une créature un peu mélancolique, tu sais. Ouais, mais tu sais. Ça, c'est la touche Del Toro, ça. Ouais, tu me fais de la peine quand tu dis ça, c'est la touche Del Toro. Ben, on dirait à la fin. Oui, ben là, tenez-vous. Battez-vous. Non, vas-y. On dirait qu'à la fin, ils ont quand même voulu nous amener à l'aimer, c'est la. Ouais, ben pas l'aimer, mais ils voulaient qu'on lui donne raison pour pas que je vais essayer de le dire en étant le plus vague possible, pour pas que la finale nous donne le goût de foutre un soulier dans la TV, tu sais. Ouais. C'était quand même spécial, ça reste là, ton. En tout cas. Ben, je trouvais ça plate. Non, mais c'est parce que je parle, quand je dis la touche Del Toro, tu sais, on pense à Orphelina, on pense à Pan's Labyrinth, à Devil's Backbone. Le méchant finit souvent par être quelqu'un qu'on comprend et qu'on compatit avec. Ouais, là, je peux comprendre ton... C'est ça je veux dire, la touche Del Toro, c'est que... Tu sais, c'est pas sinister, là. C'est pas un démon ou c'est... Bon, regarde, je vole pas de punch nécessairement, là, mais tu sais, Del Toro a cette manie-là de vouloir nous faire aimer, le surnaturel ou le démon ou le méchant, tu sais. Puis ce que j'ai trouvé peut-être qui m'a tanné dans ce film-là, c'est que c'est arrivé rapidement dans le film. Ouais, c'est vrai. Ça a pas été un punch de mon Dieu, ok, je viens de comprendre, j'ai de la compassion pour elle. Après peut-être 45 minutes dans le film, je comprenais déjà où c'est qu'il voulait aller, puis je me disais, le fantôme me fait plus peur, tu sais. Ben, il me fait plus peur. Être encore dangereuse ou peu importe, mais elle a plus d'effet sur moi, tu sais. Ouais. Ouais, mais écoute, ouais, je suis trop d'accord, c'est ça qui arrive, c'est que j'avais tellement, en plus, je l'ai dit tout le temps qu'il faut pas se faire d'attente, puis écoute, le dernier qu'on avait écouté, Sinister, écoute, toi, Sébastien, t'étais pas là pour en parler, mais je pense que t'as apprécié Sinister autant que nous autres. Écoute, je vous écoutais en parler, puis j'avais juste le goût de crier oui à toutes les fois. Là, ah, c'était bon, ça, c'était... Mais, puis là, fait que j'arrive dans un film que, maman, moi, la prémisse m'avait excité pratiquement autant, j'avais super gros espoir, j'ai été beaucoup, beaucoup déçu. C'est pas... J'irai pas jusqu'à dire que c'est un mauvais film. Récemment, non, on en a fait des films de merde, c'est vraiment loin d'être un mauvais film, sauf qu'il faut s'attendre à un film... Je veux pas dire générique, mais je pense que c'est ça. La façon la plus simple de dire, c'est à grand public. C'est vraiment pas fait pour les fans finis de films d'horreur comme nous autres, qu'on en a toujours voulu plus, puis que ça part sur un gros high, puis je te dirais au premier tiers du film, tout va en pente descendante, en frais d'attente, d'horreur, de frayeur, de tu sais, tout devient de moins en moins. Ce qui fait qu'à la fin du film, on est rendu de moins en moins d'intérêt. Ouais. Hein. Je dirais que c'est le film d'horreur à faire écouter. Tu sais, moi, ma blonde, elle est capable d'en prendre de côté horreur, mais quelqu'un qui dirait, moi, ma blonde, elle veut jamais que j'en écoute des films d'horreur avec, mais ce serait peut-être lui. Ouais, probablement, ouais. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Fait qu'en bref, mais, toi... Mais tu sais, je l'ai aimé. J'ai quand même aimé, tu sais... J'ai trouvé qu'il y avait des belles qualités, tout ça. Juste pour le jeu des petites filles, autant quand ils sont épeurantes que quand ils sont normales, si on peut dire. Ces petites filles-là, j'avais énormément d'empathie pour eux autres et je les ai adorées tout le long du film. Ça n'a jamais été des personnages imbéciles ou quoi que ce soit, tu sais. On les comprenait, on les aimait, tu sais. Moi, je pensais à mes. Tu sais, ils me faisaient penser à mes deux. Nièce, là, les deux petites filles à ma soeur, puis je les regardais, puis c'était eux autres. Tu sais. Et curieusement, puis, je comprends ce que tu veux dire. Même chose pour moi, j'ai été extrêmement déçu de ce film-là, mais je l'ai trouvé bon. C'est ça qui arrive, j'ai été déçu, mais c'était un bon film. C'est dur, c'est quand même dur à expliquer. C'est ça. C'est, dans le fond, c'est pas l'horreur que j'ai le plus trippé de ce film-là, c'est ça l'affaire. Non, définitivement pas. C'est un beau film. J'ai aimé l'histoire, j'ai aimé où c'est que ça s'en allait, j'ai aimé les acteurs, mais c'est pas le genre de film. Oh! On vient de le perdre. On vient de le perdre. T'es freaky dans ce film-là? Non. Te revoilà. On t'a perdu l'espace d'une seconde, mon Seb. Ah, je pense qu'il est encore parti. Bon, ben, de toute façon, on a pas mal fait le tour de la question. On y va de ça. Toi, Steph, vas-y donc. La cabane, tu sais, quand il y a voix, là. Ouais. Une porte, deux fenêtres, tu rentres là-dedans, on dirait que c'est un château. Hein. Ils ont mis des couleurs qui agrandissent. Non, mais c'est ça, c'est quand même spécial. Moi, ça, tout de suite, ça a fait... Chris, ça avait l'air plus petite que ça, de dehors, la cabane, là. Ouais, écoute, là, t'as jamais été prendre une bière au bord, le balcon, trop vieux. Ouais, là, mais tu sais... Ah, mais honnêtement... Il est fait sur le long, c'est ça, l'histoire. La cabane est faite sur le long, même, enfin. Ah, mais le plafond, tu sais, on dirait... Ça a l'air d'une remise, il rentre dedans, c'est une grande maison. Ouais, on se dit, tu sais, fallait être en grande maison dans le bois, c'est pas grave, là. On dirait qu'il y a un deuxième étage. En tout cas, c'est ça. Moi, ben, le film était très bon. Ben, c'est ça. Des petits détails comme ça. Regarde, ben, moi, je vais conclure en faisant la suggestion. On fait tout le temps la suggestion. Si on la jette, si on loue, pis tout. Moi, je dirais à tout le monde, ça vaut vraiment la peine de le louer. Mais attendez qu'il soit plus dans les nouveautés. Tu sais, quand ils sont tombés des films à 3$, là, ça va être le meilleur temps. C'est un bon plan, ça? Excellent. Oh, ça, c'est un bon film à louer, là. Tu sais, c'est pas. Steph? Ouais. Ça ne s'entrera jamais dans ma collection. Moi, peut-être, oui, justement. Ça arrive souvent. Je fais le tour de la bine, justement, la bine à 4$. Hein, j'achète tout. Ah, ben, à 4$, peut-être. Ouais, c'est ça. Oh. Mais moi, j'achète tout. Hein. Je suis reconnu pour ça. Steph, musique, maestro. Ah, non. Hey, je suis allé dans le violent encore. Non. On n'aime pas ça, non, nous autres. C'est ton film qui m'a inspiré ça. Écoute, tu mets des films avec des petits-enfants. Moi, je suis pas capable. Arrête donc. Non, écoute, c'est Disbelief, la band, un groupe d'origine de Essi, ou Ace, ou Essi en tout cas, Germany, en Allemagne. C'est classé death metal, doom metal. Vous allez voir qu'à ce soir, je suis pas mal doom metal, parce que, en tout cas, le film m'a inspiré du doom metal. Ça roule depuis 90, c'est encore un vieux groupe. Les membres sont présentement 5, puis il y a 5 anciens membres, ça c'est pas si pire. Côté discographie, eux autres, ils ont 9 albums à leur actif. Ils sont tous très bons, honnêtement. Là. puis la voix du chanteur est unique. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Écoute, c'est pas crié, c'est pas... Moi, je le dis, il se lamente. Il est toujours en train de se lamenter. Ma mère aussi a dit ça quand elle écoute de la musique de moi. Ouais, mais tu sais, des fois, tu peux avoir l'air fâché, tu peux avoir l'air... Mais lui, il est mélancolique. Fâché, tu sais, il se lamente, là. C'est pas drôle, sa vie, ça, c'est vrai. Puis la toune, écoute, ça revient rejoindre les deux petites filles, là. Fait qu'on va y aller écouter sur l'album Six, Six, Sick, en 2003. C'est Rewind It All, Death or Glory. Écœurant. Allons écouter ça. Yes. Violence, violence, violence, encore ben une ouais. fois. Tabarnak, t'es en feu. Écoute, c'est de la mélancolie, ça, là. Là. C'est vraiment comme ça que je le sens. Oh, on vient tout perdre, Seb. J'ai entendu Skype qui a fait tchunk. Tchunk, parti. Oh, regarde ça. Il y a un problème avec cet appel. Ah, je vais raccrocher. On va essayer de rappeler Seb. Ouais. Hey, c'est le fun de faire du live, man. Je suis parti à la course pour aller me chercher une bière pour pisser pendant que la tonne partait. C'est spécial. J'espère juste que ça sente pas trop le cul. On dirait que Sébastien qui est plus là. C'est pas drôle, plus. Là. Ben non, ça va nous le prendre pour faire notre dernier saignement, disons-le. Hey, man, Seb, réponds. En plus, surtout que je voulais faire le segment sur, principalement ces jeux vidéo par rapport à Dead Space que Kevin était supposé nous parler. Puis, Kevin, il n'est pas là. Impossible de se connecter à Sébastien Bouchard. What the fuck, que c'est ça? Attends un peu, je vais essayer de le rappeler. Je sais pas en tout qu'est-ce qui se passe. Vas-tu être obligé de couper chaud pour faire du montage? Ben oui, il reste trop loin. Ben non. Ah, v'là Seb! Qu'est-ce qui se passe? V'là. Pourtant, Skype... Fait que la toune m'a flabbergasté. Skype est en train de me dire qu'il essaie d'être appelé. Je comprends pas qu'on est en train de se parler, mais on va essayer de pas... ça, wow! Hey, ben j'étais justement en train de dire que je m'en allais partir le saignement à Steph. Toujours avec nous, Seb? Oui, t'es là! Aïe, ça va? Oui. OK, bon. Puis justement, le segment, ben c'était sur... je voulais parler par rapport à la chronique de Kevin qu'on n'a pas entendu, puis je tiens à dire à Kevin... Ah ouais, Kevin, si continue comme ça! Puis il était supposé nous parler de Dead Space, puis j'ai pas eu la chance de jouer. Steph non plus, il a pas joué. Toi, Seb, y'a-tu touché? Et si bol, Seb, on est en train de te perdre! Eh oui! Du tout! Tu n'y as pas touché? Bon, attends un peu, je vais juste réessayer quelque chose. Là. Seb, je vais te flusher puis je vais te rappeler. Ouais. Oui, ok, ça sera pas long. Hey, c'est-tu pas drôle de faire du live? Ouais. Je me sens comme dans un radis capoté de fun jouer jeu. Et voilà. Ah, merveilleux, là, mon Skype, il a dit que t'es là, tout va bien. Yes. Bon, yes. Fait que c'est ça. Les petites barres sont toutes là sur ma connexion Wi-Fi, c'est bon. Merveilleux. Bon, tout ça pour revenir au fait que c'est ça, il n'y a pas personne dans nous autres qui a joué à Dead Space, fait que ça va être très dur d'en parler. Sauf que tout le monde en est revenu à probablement la même conclusion. Je sais que Kevin, il a aimé le jeu, il en avait parlé au dernier show, il l'a vraiment aimé. Ça a l'air un des rares, puis tant mieux, je suis donc content. Sauf que tout le monde en vient à la même conclusion que ça fait pas peur. Puis on en avait parlé justement avec Kevin quand il avait fait la critique du dernier Resident Evil. Les jeux vidéo font plus peur. Non. Bon, le segment que je voulais amener, je voulais qu'on en jase. Qu'est-ce que ça prendrait à un jeu vidéo pour nous faire peur? Parce qu'il y en a. Moi, il y en a des jeux vidéo qui me foutent la chienne. Il y en a pas beaucoup, mais il y en a. Est-ce que c'est encore faisable? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, mettons, dans un Resident Evil, que t'arrives dans une pièce qui est remplie de cadavres, tu sais, à un moment donné, qu'il y en a un qui va sortir et qui va te pogner à cheville. Bon, on fait plus le saut à ces affaires-là. Puis les cheapscares, ça marche plus ou moins en jeu vidéo. Qu'est-ce que ça prendrait pour en faire des vraiment épeurants, solides, là? Hey, moi, là, sérieux, si je pense aux jeux qui m'ont fait... qui m'ont vraiment donné la chienne, tu sais, admettons, dernièrement, si on pense aux deux premiers Dead Space, là, c'était le son. Moi, sérieusement, j'ai... ambiance sonore, là. Ouais. Si t'as une bonne ambiance sonore où ce que tout te fait sursauter, puis tu fais comme, hey, shit. Hey, puis tu sais, je parle de Dead Space, là, mais Far Cry... Je l'ai pas joué, le dernier. Far Cry 3, quand t'es dans la forêt, puis t'entends... un fucking tigre ou un dragon de Komodo, puis que tu fais comme, shit, il est où le tabarnak? Ben, peut-être plus loin dans le jeu quand t'es rendu assez fort, ils te font plus peur, mais au début, t'es comme, tabarnak, ben, il est où le kit? C'est-tu à quoi ça me fait penser? Vraiment, ouais, l'ambiance sonore fait la job. Ce que tu me fais penser, là, c'est un de mes jeux préférés of all time, Dark Souls. Dark Souls, ce jeu-là, c'est pas un jeu d'horreur en aucun lieu. Sauf que il y a des fucking grosses créatures vraiment monstrueuses qui courent après. Et puis ce qui arrive, c'est que, bon, tout le monde le sait, le jeu est extrêmement difficile, il est super gros prenant. Et puis le son, justement, l'ambiance, il n'y a pratiquement jamais une musique de fond. C'est tout le temps une ambiance sonore qui est pas... c'est selon les lieux où ce que t'es. Puis ce qui va arriver, c'est que souvent, tu vas entendre, mettons, une armure de métal qui court en arrière de toi. Oh my fucking God que ça fait un job, là, je te jure, parce que le travail des sound tech de Dark Souls... Malade, c'est complètement fou. Chaque créature contre qui tu vas te battre est effrayante juste à l'entendre te courir après, parce qu'il te court tout après dans cet asti de jeu-là. Ça, c'est vrai que c'est efficace en esti. À part de ça, y a-tu d'autres points? Parce que moi, les deux premiers Dead Space, là, je les ai adorés, là, c'est fou. Sauf que je les ai adorés parce que les créatures, les xénomorphes, je les trouve vraiment cool, je les trouve dégueu, mais j'ai vraiment pas eu peur dans ces jeux-là, là, jamais. Je pense qu'au côté visuel, on a touché à tout ce qui pouvait être le plus horreur possible. Moi, je dirais que j'ai déjà parlé dans la chronique de l'horreur Game Show, avec le Kinect, les effets de lumière qui étaient supposés sortir, qui va sortir. Ah ouais, mais je pense qu'on est rendu là, côté visuel. Tu joues à un jeu, puis tabarouette, ça c'est pas gros, là, brancher une petite maudite lumière dans ta console qui fait des effets visuels dans ta pièce. T'sais, tu joues les lumières fermées, puis tu sais, mets trois chandelles, le son au bout, mon gars, des effets visuels, là, c'est-tu, quand... Ouais, mais là, c'est parce que ça commence à être compliqué. Il y a le son à gauche, t'as un astifié d'hologramme sur le mur, tu ferais le saut, là. Attends un peu, les technologies d'hologramme, on est pas rendu là. Donc, on parle juste d'une projection, là. On est rendu à capter le corps humain pour faire avancer le bonhomme à l'écran. On doit être capable de faire un hologramme sur le mur, là. Ça marche très bien, soit dit en passant, hein. Oui, surtout avec la Kinect, d'ailleurs, ça va super bien. Non, mais c'est ce que je dis, d'après moi, on a sauté une technologie, on devrait peut-être l'effet visuel dans une pièce, puis laisser passer le courir dans ta chambre tout seul, faire ton bonhomme. Mais donc, on se concentre sur qu'est-ce qu'on peut avoir dans la TV, là, parce que c'est sûr qu'en matière de nouvelles technologies, il y a bien des affaires qui sont possibles, éventuellement, mais tu sais, on n'est pas rendu là. Je pense que un des effets qui va nous faire peur, puis c'est aussi basique, si le jeu est pas dur, il fera pas peur. Dans le sens que tu veux pas mourir. Si la bébite, quand t'as ta voix dans la face, là, tu fais comme moi, mais un coup de shotgun dans la tête, puis elle est morte, ben, elle te fera pas peur. Si la bébite est dangereuse, puis elle risque de te tuer, il y a des grosses chances qu'elle te foute la chienne. Fait que t'es en train de me dire qu'il faut que le jeu soit... Comme Blasty de Porn Gay illégal grec dur! Oh! Je pensais que t'allais dire de quoi de sérieux, là. Non, mais je suis d'accord avec toi parce qu'en réalité, je joue, ces temps-ci, je l'ai dit à Wii U, je joue à Zombie U, qui est un. Bon, je baiserai pas sur le piton, mais il est pas évident, jeu-là. Parce que justement, chaque ennemi peut finir par être mortel. Un peu à la Dark Souls, justement. Tout le monde peut te tuer si tu fais pas trop attention. Ce qui fait que, oui, t'as la chienne quand, à un moment donné, il y en a juste deux qui arrivent avec toi. Tu stresses, tu fais des coups innocents, puis là, c'est de même que tu meurs. Ça, c'est un bon point, ça. Mais sinon, God of War 3, tu sais, qui amène, écoute, les personnages. Les hosties de gros boss tellement gigantesques. Ben oui, ça pourrait tout faire. Côté horreur, ça serait écœurant. Ben, God of War, c'est pas loin de ça. Cthulhu, on s'entend-tu que Cthulhu, là, qui mesure 300 pieds de haut, là, il foutrait la chienne, là. Ouais, mais tu joues au jeu, Call of Cthulhu? Moi, ce jeu-là m'a foutu la chienne. Sérieux? Ben moi, je l'ai juste commencé parce que ça fait pas longtemps que je l'ai, là, pis Christ que j'aime ça, là. Pas encore prêt à dire c'est que... C'est tellement... Ouais, c'est vraiment solide. Tu vois, il y a une séquence dans l'hôtel, là. Ouais. Il a fallu que je me parle, là, maintenant. Il a fallu que je me dise, Sébastien, c'est un jeu. Calme-toi. C'est-tu à quoi ça me fait penser? Il a vraiment fallu que je me dise, calme-toi, là. Calme-toi, tu files pas, là. Ça me fait penser à Eternal Darkness. Avez-vous essayé ça, vous autres? Oh. Excellent. C'était foutrement bon. C'est très, très, très Lovecraftien, ça aussi, d'ailleurs. Eternal Darkness, c'est que t'as un meter de folie dans ce jeu-là. Plus que ton meter est haut, plus que le jeu joue avec tes nerfs. Et puis, et vraiment, ça dépasse un peu le standard. Quand le volume de ta TV monte tout seul, quand ton GameCube reboot tout seul, quand les personnages commencent à te dire ton historique des jeux, les derniers jeux sur quoi t'as gamé, têtes de tous les personnages se mettent à tomber, l'image tombe en négatif, c'est fou, man. Des fois, c'est des affaires complètement débiles que tu penses que, ouais, on s'est buggé, puis oh, le jeu, il arrête. Merci d'avoir joué au démo d'Eternal Darkness. Hein, quoi? Non, ce jeu-là, il rend fou, solide. As-tu pensé aujourd'hui un jeu qui ferait ça? Ben, c'est pas rentré dans la vie privée de la personne. C'est pas super vieux, en réalité, ce jeu-là. C'était sur GameCube. C'était... J'aime ça l'idée là, de rentrer dans la vie privée. Tu sais, un jeu que tu te connectes sur son Facebook, puis que dans le jeu, tu shows des vidéos que tu as pitchées sur ton Facebook, des photos dans lesquelles tu es tagué. Hein? Ah, man. Il passe une nouvelle, tu sais, comme dans de, c'est quoi le film? C'est Dawn of the Dead, je pense, qu'il y a un commercial. Là, il montre la photo, mettons, de ta mère qui a pogné sur ton groupe Facebook, elle a été attaquée par un groupe de zombies. Là. Ah, man! Ah, avec la Wii U qui a une caméra. Ça serait malade. C'est sûr que là, on tombe un peu dans l'éthique complexe, là, mais tu sais, avec la Wii U qui a une caméra sur la manette là, qui peut te filmer à ton insu, t'es en train de jouer. Ça serait fou. T'es en train de jouer, puis elle pogne tes réactions. Il y aurait quelque chose à faire avec ça, de t'y remettre d'en face une fois de temps en temps. Ça pourrait être très bon, ça. Wow. Ouais, j'ai pas ça. Mais OK, regarde, on élargit la question, là. Quel jeu qui vous ont foutu à la chienne, vous autres, dans la vie? Là? Regarde, moi, je vais te le dire tout de suite, il y en a... les deux principales qui m'ont foutu à la chienne, c'est... voyons, on va dire Eternal Darkness, pas vrai. Non, c'est pas vrai. C'est... voyons, Amnesia, The Dark Descent. Ouais. Moi, juste celle-là, justement, un autre que l'ambiance sonore est foutrement extraordinaire, que le fait que tu n'aies aucune arme pour te défendre, l'ambiance est géniale, l'histoire est super prenante, l'espèce de confusion qui règne autour de ton personnage tout le long de ce jeu-là, il m'a vraiment foutu la chienne. Deuxièmement, l'autre qui, encore aujourd'hui, là, j'y joue, là, puis tu sais, quand il fait noir, c'est fréquent, c'est le premier Fatal Frame. My eyes! Ah, man, la bonne femme, ça, c'est celle qui a la tête arrachée avec les yeux qui saignent. Oui! Man! Ah, c'est... Là, en plus, que tu veux que ton perso, c'est une autre affaire. Hein? Tu veux te sauver, il y a un fantôme, mais c'est pas de tête, avec les yeux crevés qui te courent après. Pas de tête, en tout cas, avec sa tête revirée à l'envers, avec ses yeux crevés qui te courent après, qui crie maillot, pis tout. Là, tu veux te sauver, là, pis tu veux te sauver, pis là, tu payes sur ta manette, le piton, pour courir. Pis là, ta petite madame, elle fait comme. Ça, c'est la vitesse à laquelle caco. Là. Tu fais comme What the fuck? C'est tellement fréquent, c'était une crise de jeu. Là. Peux-tu bien te coller ton cas? Je l'ai jamais fini. Des petits enfants fantômes qui rentrent, ils sortent complètement random dans tout d'une galerie, ils font comme Ta-ta-ta-ta! Puis ils sont partis. Oh man, qui me foutent la chienne, ces hosties-là. J'adore Fatal Frame. Toute la série, c'est Fatal vraiment Frame. Génial. Wow. Fait que c'est ça. Ça, en matière de jeu qui me foutent vraiment la chienne, bon, Fatal Frame est dur à battre. Moi, honnêtement, ça serait pas mal Resident Evil quand c'est sorti, là, le premier, puis Silent Hill aussi. Hein. Là, c'était... Silent Hill, là, c'est sévère aussi, pareil. Moi, Resident Evil, non, j'ai jamais. Parce que tu faisais le saut, c'est. Oui, mais. Crise de chien qui arrivait de la fenêtre. Ouais, celle-là, tout le monde. On s'appelle ça du couloir avec les Tout le monde, celle-là, on l'oubliera jamais. Pas un gars nerveux, mais quand, je pense que c'est la seule fois que j'ai sauté dans ma vie, ça. Ah non, ça c'était solide. C'est vrai que tout le monde va s'en rappeler. Puis Silent Hill, tu sais, pour l'ambiance du jeu. Là. T'es stressé, tu joues, t'es stressé. T'attendais ta radio grincer, puis tu faisais « Oh shit, il y a quelque chose de proche. » Ah ouais, j'ai rejoué récemment à Silent Hill 2. Ben, c'est toi, Steph, qui m'avait refilé ton tien sur les Xbox. J'ai rejoué à Silent Hill 2. Puis, tu sais, autant que... Curieusement, c'est le genre de jeu qu'il n'y a pas besoin de beaux graphiques pour fitter, pour être ambiant. Il est encore prenant pour moi, tu sais, qui a joué récemment. Là. J'ai écrit qu'il est bien vieilli, ce jeu-là. Ben... Je suis quand même quelqu'un qui porte pas une grosse attention aux graphiques qui sont vraiment laids. Là. Mais ouais. D'ailleurs, Zombie U, s'il y a de quoi. Je pense que je vais en parler au prochain show du Zombie U, mais côté graphique, là, c'est un peu de. Ah ouais. Ouais. Moi, j'en parlerai pas, je pense. La plus grande partie de mon temps, je joue au Atari. Fait que... Ouais, ben tu pourrais parler de Haunted House. Dans l'Atari. Haunted House? Ouais, ça c'est le gameplay qui est, en tout cas. Ouais, il est complexe en mots. Friday the 13th. Non, pas Friday the 13th, c'est Halloween. À l'Atari qui est vraiment un peu Ben il y a Texas Chainsaw aussi. Oui. Oui, parce que mais on peut pas dire qu'ils sont vraiment apparents. Mais c'est hot que t'es nommé Fatal Frame parce que moi aussi là, c'est vraiment ça. Puis tu vois, je pense que ça rejoint pas mal ce qu'on disait. Qu'est-ce que t'as dans Fatal Frame? Une ambiance sonore qui fait la job. Pas d'armes pour te défendre. Un esti de caméra. Pour te défendre, la difficulté est là. Oh oui, j'ai jamais fini Fatal Frame. Jamais. Mais c'est à cause des astis de puzzles, man. Ouais, il y a ça. Parce que moi, je suis le genre de gars, là, je vais faire une confession que je suis quand même fier. Je vais pas voir les walkthroughs sur Internet. Je fais jamais ça. Je trouve ça poche. Je suis le genre de gars qui est extrêmement satisfait de sa personne quand je réussis à trouver ces affaires-là tout seul. Mais il y a tellement de puzzles fuckés dans Fatal Frame que ça me bloque. Mais je vais le finir un de ces quatre. Comme dirait Papa Cassette, un moment donné, je vais être à la retraite. Si oui. Mais Fatal Frame, Call of Toulouse, c'est mes deux là. C'est les deux. Call of Toulouse, il y a vraiment, je te dis, la séquence dans l'hôtel, il a fallu que je me parle. Puis il y a eu une autre séquence à un moment donné où ce que je me disais, Christy, que c'est fréquent. Parce que le jeu. Oui. Le jeu. On t'a reperdu, mon Seb. Le jeu. Ah, le jeu. Oui, le jeu. C'est pas une question de faire mal. La gueule. Ah, si, j'ai pas de sample de ça. Non, hein? On va demander à Dan Vaillancourt à la place. C'est tout là, c'est tout présent, c'est bien amené, on aime ça, puis ça fonctionne. Et voilà, merci Dan. Si on parle côté horreur, un jeu qui a amené des graphiques assez violents, là, Mortal Kombat. Ouais. C'est pas horreur, c'est pas stressant, c'est pas, mais... Chris, les finishims, là, ils étaient osés, là, c'était... Ouais, Sub-Zero qui arrachait la tête en partant. C'était quelque chose, là. Ouais, mais est-ce que... Ouais, à l'époque, c'est vrai. Ouais, puis je me rappelle, d'ailleurs, je jouais chez mes amis à l'époque, puis quand on faisait... Chaque fois qu'il y avait un finishim, je me rappelle de sa petite soeur qui était sur le divan, qui nous checkait jouer à se cacher. Hey, c'était cœur, hein, là, le son, t'entendais le son... Wow, c'était bien fait, ça. Ou les premiers Phantasmagoria. Oh my God, j'avais oublié ça. Hey man, ça ces jeux-là m'ont foutu à chienne parce que, bon, hey, first, j'étais très jeune. Deuxièmement, écoute, ouais, c'était des acteurs, c'était des comédiens, c'était très interactif, ça. Ça prend une des premières fois, moi, je voyais ça, là. C'était assez cool. C'était présenté comme des affaires pervers qui allaient te troubler pour le reste de tes jours, tu sais. Ben, ça l'était quasiment. Écoute, sérieusement, le magicien, que je me rappelle plus de son nom dans Phantasmagoria, il était fucking hardcore. Il y avait des scènes de mort là-dedans qui étaient vraiment... Encore aujourd'hui, je l'ai rejoué, je pense, l'année passée. Il est rendu gratuit sur, genre, les Abandonware, là, comme la plupart des jeux de Sierra. Fait que je l'avais téléchargé, puis je l'ai mis sur mon ordinateur, puis je l'ai rejoué. Il est toujours aussi bon, soit dit en passant. Il est un peu moins beau que ce que je me rappelais, mais j'ai regardé les scènes de mort, ce que le magicien... Écoute, il a des affaires foutrement atroces, là. La passe de bouteille dans l'œil, c'est hardcore, solide, là. Le gars qui gave sa femme jusqu'à ce qu'elle en meure, là. Ah oui, l'entonnoir, ben oui, c'est... Écoute, c'est parce qu'il a gave de tripes de cochon, là. C'est... Ouais. Ah oui, c'était freak, hein. Tu sais, j'ai joué à ça, j'avais quoi... 9, 10 ans. Ben, à peu près, ouais. Puis, à cette époque-là, c'était rough. Ah, man, tu sais, ouais, ouais. Puis la finale avec le gros démon, quand il te pognait, il arrachait. Il démolissait complètement le visage de la fille. Écoute, il la défaisait en deux, c'était complètement débile. Waouh, c'était bon, ça. Ben, même, moi, écoute, là, si on recule vraiment loin, là, à l'ordinateur, le premier Alone in the Dark, là. Oui, avec les ultra polygones. Oui, ben écoute, il y avait, bon, pour l'époque, là, il y avait une job sonore qui faisait peur, qui faisait la job. Oui, c'est, je me rappelle les pas du personnage, parce que le personnage, ouais, quand il se promène dans la maison, je me rappelle qu'on entendait chacun de ses pas. Des fois, il montait des escaliers, puis t'entendais ça craquer, puis c'était efficace. Oh, oui, je me souviens. Oui, puis de temps en temps, t'entendais au loin un loup, mais t'entendais juste un... Ouais. Parce que dans ce jeu-là, en plus, rencontrer un monstre, c'était mortel, là, tu sais. Hey, man. Un autre jeu qui était basé sur Lovecraft, d'ailleurs. Oui, ben oui. Faudrait que je m'en reprenne ça. À retenir, c'est la qualité sonore. Oui, hein, je pense que c'est un des points principaux. Ben ouais. Parce que, je le disais tantôt, même comme quand j'ai rejoué Phantasmagoria, que les graphiques sont bien là. Même si c'est du vidéo, c'est du très, très, très mauvais. Graphique, pas graphique, on dirait que ça peut faire la chienne. Pareil, là, je veux dire, ça n'a pas besoin d'être beau. Fait que c'est sûr que si t'as une bonne ambiance sonore, tu gagnes des points en tabarnée. À part de ça, le sentiment de danger. Si toi, t'as l'impression que t'es autant en danger que ton personnage, ça fait un job. Tu sais, je veux dire, dans Gears of War, là, exemple, tu vas te battre contre des babites qui mesurent 2 km de long, mais t'es un gros dude avec des mitraillettes qui se promènent d'un tank. Ça fait pas peur, tu sais. Total. Puis rencontre ce babite-là avec un gars. Qui est un père de famille qui a un petit gun 6 coups, ben tu vas avoir la chienne. Prends la même babite, transpose-la dans un autre jeu à la Silent Hill, elle va te foutre la chienne. T'as raison, totalement. Fait que là, on a l'ambiance sonore, le sentiment d'impuissance qu'on peut quasiment dire. Ouais, ouais. Le réel danger, mettons. Qu'est-ce qu'on aurait à part de ça? Là? Peut-être quelque chose qui peut se rapprocher à nous autres. Admettons, là, quelque chose à quoi on peut s'identifier. Ouais, ben, admettons, tu sais, là, j'y vais fort, là, mais admettons, fantôme, tu sais, pas trop fucké, là, au point où ce que tu dis, ça se peut pas. Ouais, ben, tu sais, admettons, on parle de Fatal Frame, là, c'est très, très, très orienté histoire d'horreur, histoire de fantôme japonaise. Moi, ça m'a toujours foutu la chienne, ces mots du film-là, on s'en cachera pas. Pis ça marche pour ça. Mais de là à dire. Donc, un petit jeu d'horreur 3D. Ouais, je sais pas. Comme. Le bébé sort de l'écran, tu sais. Ouais, mais encore là, je veux dire, faut que t'ailles la chienne, parce que j'en ai vu des affaires sortir de l'écran dans ma 3DS qui c'était supposé faire peur, puis ouf. 3DS, t'as un écran de 3 pouces après ça, là. Écoute. Ouais, mais écoute. Toi, t'es des technologies hardcore qui existent pas, man. C'est bien le fun, là, mais un écran 261 pouces, je l'ai pas encore. Écoute, un écran 50 pouces 3D, ça existe. Ouais, mais le 3D, ça reste une gimmick. Ouais, j'pense, j'avoue que c'est pas. Honnêtement, là, sans vouloir planter ça, je pense pas que le 3D me fasse plus peur que d'autres choses pour avoir vu des films 3D. Pas peur, mais le saut. Tu peux faire le saut. Ouais, faire le saut, moi, je ne considère pas ça comme. Tu sais, si un jeu me fait faire le saut 25 fois, il m'a fait comme. Mais. Tu sais, c'est pas. Je sais pas, c'est pas quelque chose que je recherche. Tu te rappelleras pas d'avoir fait le saut, tu vas te rappeler d'avoir freaké. Solide, ouais. Pendant un bout, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Comme on parlait, mettons, d'Eternal Darkness tantôt, ce jeu-là m'a fait faire le son une couple de fois. Mais là, ce qui m'a vraiment foutu la chienne, parce que quel jeu pareil, là, j'y repense, puis il va falloir que je rejoue à ça. Quel jeu, c'est qu'il y a c'est les moments de folie où que tu te poses des questions. Coudonc, là, c'est-tu buggé? Je suis en train de paranoïer. C'est quoi qui se passe dans cette astie de jeu-là? C'est fou, raide, là. Sérieux, les gars de Silicon Knight qui ont fait ça, là. Quelle bonne idée. C'est quelque chose qui n'a pas été repris et qui devrait l'être. Oh, je viens d'entendre chercher le psychologique de la personne. Total. Je pense qu'on a reperdu Sébastien, ça se peut-tu? Voyons donc, ça va pas bien demain. C'est débile. Ben, ça serait pas pire, par exemple, refaire ça, un jeu, là. Tu joues, man, Chris, la console éteint. Ben non, t'as mal. C'est quoi, là? Tu rouvres ta console, là, c'est une grosse face de bébite dans l'écran, puis... Ouais, ça dépend. Ouais, ben c'est un peu. Tout dépendant le jeu, mais ça, de quoi qui. C'est un peu ça que ça faisait, honnêtement, Eternal Darkness. Puis ça le faisait bien. Il faudrait que je te refais ça, c'est un que t'as un GameCube, petit bonhomme. Ah ouais, c'est un indispensable. Surtout pas grand jeu, c'est GameCube, honnêtement. Non, mais l'important, c'est la qualité, non pas la quantité. Ouais, c'est ça. Voilà. Waouh! J'ai une qualité, ça, j'ai pas de quantité non plus. Des mots de sagesse, tel l'ami Dan Vanyako pourrait nous dire. C'est ça. Non, je comprends. Tu as mané, tu comme, bon, my God. Ouais, et voilà, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux dire de plus que ça? Dan, il va m'haïr tellement, là. C'était blague. Monte avec lui à Alma lundi prochain, puis il va déverser son fiel, tu vois. C'est tellement des jokes, Dan. Je t'adore. C'est tout là, c'est tout présent, c'est bien amené. C'est ça. Non, je comprends. Tu as mané, tu comme, bon, my God. Dan, t'as-tu aimé ça, participer au show de l'Horror Gamer? Est-ce-tu? C'est bon en sacrement. Merci. Ah, oh man, on a eu du fun. Non, mais je pense qu'on en est pas mal. On a pas mal fait le tour. Là. Tant qu'à se répéter, on est tous bien de clore ça. Fait que, on repart-tu encore d'Eternal Darkness? Ben, sérieusement, je pense que je vais aller me starter une game bien prochainement. Ouais, là, c'est juste que j'ai trop de bébés. Je viens de recevoir Darksiders 2 aussi pour ma Wii U que j'ai vraiment envie de jouer. Là. Fait que c'est pas mal ça. Fait que Steph, on va clore ça en musique. Ben oui, on va y aller avec une petite toune déprimante encore. Là, je suis allé avec un de mes coups de cœur, honnêtement, là. C'est le band Avi qui me rejoint le plus, là. Draconian. Écoute, sur Skype en plus, ça doit être ça qui est écrit Draconian. Là. Non, c'est Steph Greux, t'as changé. Ah ouais? Ouais. C'est mon Skype site à l'écran, c'est marqué Draconian 2008, quelque chose de même. Ben, ok, c'est pas bien grave, là. Continue donc voir qu'on s'en connaît pas tant que ça. Au début de ce groupe-là, je vais être le seul au Québec qui connaissait ça. Peut-être même en Amérique qui connaissait ça. Tu es en train de te faire passer pour un hipster, toi, là? Ah non, écoute, c'est tellement. Tu sais, déjà qu'aujourd'hui, c'est même pas connu encore sur moi. Ça, c'est pour toi, ça, Steph. Ah, merci. Non, mais on va y acheter des grosses lunettes à contour noir. Là. Blanc, contour blanc. Blanc, c'est encore plus hipster. Ah oh, oui. Ben non, en réalité, c'est, nous autres, on ne sait pas. C'est lui qui va nous dire quelle couleur qu'il veut. Ah, c'est ça, écoute, ce band-là, là, ça roule depuis 94. Et là, il marque death metal mélodique. Là. On appelle ça du doom. Écoute, il marque le bon mot. Là. Côté membre, je pleure. La démission de Lisa Johansson l'année passée pour se confier, se sacrifier pour sa famille. En tout cas, c'est ça. Elle aurait dû garder le groupe au lieu de la fin. Non, je dis pas ça. Non, honnêtement, écoute, le vocal féminin du groupe, c'est ce qui faisait la mélancolie dans le groupe parce que le chanteur, lui, a une grosse voix rauque, violente, puis tu sais, il exprime la haine. Elle amenait la paix. C'était cœur, hein. Oh, man, honnêtement, là, sans vouloir péter. Ma bulle. Ben non, pas péter ta bulle parce que t'as tout à fait le droit d'être un de tes bandes préférées. Mais je trouve que c'est justement elle, c'est sa voix qui est tellement générique, à mon humble avis. Ça sonne tellement comme toutes les autres voix qu'il y a dans des bands de métal. Je m'excuse. Elle est venue me chercher. Toutes ces tunes qu'elle a faites, c'était écœurant. J'ai trippé. Je dis pas que je trippe sur sa voix à elle, tu sais, côté band. Là. C'est juste, elle t'a saisi. Elle avait sa place. Elle t'a saisi, puis là, t'es devenu. Deux comme Blasty de porn gay illégal grec. Deux! C'est à peu près ça aussi. Non, sérieux, c'est que ce qui arrive, c'est que le prochain album est en composition. Puis, tu sais, peu importe la fille qu'ils vont mettre, ça sera plus Draconian, ça sera plus cette voix-là. Puis même si la fille arrive, tu sais, comme Alice in Chains, tu sais, quand ils ont sorti le nouvel album, Chris Lane Stanley est ressuscité. Voyons donc. T'arrives, c'est un noir sur le stage, il est tabarnak, c'est pas lui pantoute, là. Ouais, mais ça marchait. Ouais, mais tu sais, on va chercher un gars avec la même maudite voix. On débattra pas. Aïe, aïe, on débattra pas sur Alice in Chains. Non, c'est ça, mais. Je veux pas qu'il fasse. En tout cas, je suis déçu. Draconian, selon moi, est mort. Dans mon cœur, est mort. Fait qu'on va aller écouter une toune, OK? Pour pas me faire pleurer. On va découvrir le côté sensible de Steph. Ben ouais, écoute. Non, ils ont 5 albums, je l'avais pas dit. On va aller écouter l'album sorti en 2011, leur dernier. Je pense qu'il y en a un qui s'en vient cette année ou l'année prochaine avec le changement de line-up, ils ont pas le choix. Qu'est-ce que c'est l'album? A Rose for the Apocalypse, c'est A Phantom Dissonance. Ben, allons écouter ça. Ça, c'est la tune à écouter jusqu'à la fin, s'il vous plaît. Hey, les gars, restez avec moi. Puis à vous autres, auditeurs, on vous dit à dans 2 semaines. Yes!